Putain, on a les 10 secondes du premier coup. Et on est de non, mieux mais attends, en mieux. Non, c'est pas possible. C'est ça les pros. Mieux. C'est ça les pros. Je vois ça. J'ai mal au dos. On fait 5 minutes de boss, le mec, c'est bien. Le mec, il en peut plus. Allez, on y va. Allez, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcorn. Ça fait un an qu'on s'était pas vu. Et on repart pour les films doudou cette fois. Donc, un film qui remonte plus ou moins à l'enfance. Hein, plus ou moins, ça va, ça ira. Et bah, qui vous fait du bien à chaque fois que vous le regardez? Oh, qui vous fait du bien à chaque fois que vous le regardez? Ça commence bien. J'ai voulu dire, pardon. Ça vous fait du bien, allez hop. Voilà, donc un film qui vous fait du bien à chaque fois que vous le regardez. Et Julien, on n'a pas parlé d'un porno. Non, non. Tu l'as dit tout seul. Ouais. Bah non, je sais, c'est pour tu ça. Tu l'as dit tout je seul. Je précise tout de suite, on ne va pas parler d'un porno. C'est toi qui dis le mot en premier. C'est moi qui le dis. Bon, allez, on commence par qui? Julien. Pourquoi moi, direct? Bah allez, vas-y, après tout. Ok, bah, si vous voulez. Hein. Bonjour. Déjà. Bonjour. Ah bah oui, bah bon. Bah oui, bonjour. Bonjour, c'est vrai. Putain, on verse pas la tasse, toi. C'est toi la pétasse. Non, la tasse. Salut à tous. Bah moi, mon petit film doudou, c'est mon Willow. Apparemment, bon, certains n'ont pas forcément beaucoup apprécié, a priori. Mais... Oh, c'est pas que j'ai pas apprécié. Apprécié, bon, on peut en parler. Non, c'est cool. Ah, une fan. Alors, non. L'histoire. C'est parce que c'est elle qui te fait le chocolat chaud. Hein. L'histoire de Willow, c'est la cruelle reine Bavmerda, qui est reine sur le pot des Daïs. Comment ça elle, elle bave Morda. Ah, d'accord. Ouais, elle bave Morda, disait ça. Qui est grave. Qui règne sur le peuple des Daikini. Alors, les Daikini, bah, en fin de compte, c'est le peuple des gens, en fait, qui sont pas nains. C'est le peuple des non-nains. Des non-nains, voilà. Contrairement aux Nelwyn qui, eux, sont. Qui sont des eux, des nains. Des pecs. On va dire, on va les appeler des pecs. Hein, ça, c'est ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est des pecs. Ils t'appellent des pecs. C'est vrai. Et en fait, il y a une prédiction qui annonce la naissance d'une princesse qui va détrôner la méchante reine, Elora Danan. Et du coup, une des servantes va sauver la petite et l'envoyer sur une rivière pour l'envoyer chez... pour échapper à l'armée de la reine. Et le personnage de Willow, donc, qui intervient pour ramener l'enfant après au pays des Daikini. Parce que c'était sa mission, en fait, dans le village. On lui a dit, fais-le, il le fait. Il le fait. En très gros, c'est un parce que c'est un bon petit nounours, c'est bien sympathique. C'est croisé avec Moïse. C'est exactement les trucs qui me sont venus. Et un petit peu du Seigneur des Anneaux. Parce qu'on a des nains, des humains. Non, mais en fait, ça m'a fait penser à ça, mais en beaucoup plus simple, du coup. Bah, je crois que c'est ça. Je crois que George Lucas, il voulait adapter le Seigneur des Anneaux, il a pas eu le droit, il a fait son Willow. Ouais, en plus, c'est vrai que j'ai même pas dit que c'était une histoire de George Lucas, du coup. C'est pas Ron Howard qui a réalisé. C'est Ron Howard qui a réalisé, mais c'est une histoire de George Lucas. Ah, ok, d'accord. Exactement. Okay. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs rencontres. En plus, il y a plusieurs espèces. Les brownies, là, les petits. Avec le petit Raoul. Le petit Raoul rigolo. Les sorcières, des guerriers, etc. Donc, c'est un univers. Moi, j'ai trouvé quand t'es gamin, c'est assez sympa. Mm-hmm. Pas du tout difficile à comprendre, contrairement au Seigneur des Anneaux. Au bout de 4 heures de film, les mecs sont pas sortis du village. Ils sont encore en train de bouffer. Hein. Donc voilà. Ils sont encore en train de se planquer dans la forêt. Il dure longtemps ce film. Il dure 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais c'est 2 heures. Pour un gosse, je veux dire, quand t'es gosse, ça fait quand même long, mais ça se tient quoi. Il y a une partie, petite histoire d'amour, une partie guerrière, il y en a un peu pour tout le monde, tu vois. Ouais, on s'ennuie pas vraiment dans ce film. Alors vous m'avez parlé d'un moment creux, moi je trouve un ventre mou pour être précis. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça mou, moi je trouve ça assez rigolo en plus, ouais, un peu. Des parties, moi, je trouve assez rigolote. Ouais, truc sympa avec Val Kilmer qui se déguise en femme. Avec des Val Kilmer qui se déguise et tout. Ouais, il y a de l'humour et tout, il y a de l'action. Donc, moi, je trouve que c'est assez cool. C'est pas gnangnang plus que ça. La reine, en plus, elle a une sale gueule. Une vraie sale gueule. C'est de quelle année déjà? 88. 1988, ouais. Ouais. Deux nominations aux Oscars quand même. Bon, pas pour meilleur acteur, réalisation et tout, hein, on s'entend, mais là pour la bande son en tout cas. La bande originale était pas mal. La bande originale était vraiment sympa. Ouais. Et les effets sont réussis, mais ça a pas pour l'époque, ouais. Pour l'époque, bah ouais. Maintenant, c'est pas. Bah, quand je l'ai revu, c'est vrai que là, des fois, surtout avec le monstre à deux têtes qui apparaît derrière Val Kilmer, tu vois, quand même, c'est quand même pas les effets d'aujourd'hui. Oui, mais ça la patine stop motion, c'est mieux qu'un CGI dégueulasse. Quoi. Ouais, non, mais en tout cas, ça se regarde pour un enfant, tu te mets. Tu regardes ça. Tu regardes ça tranquillement, quoi. Ça c'est sûr. Quoi. Mets pas ta main devant ta bouche. Mmh. Tu veux qu'il la mette ailleurs? Tais-toi, il va pas couper. Mais déjà que le micro il est assez loin de lui. Ouais, mais ça va, tu m'entends quand même. Oui, je te vois, c'est bon. Mais par contre, si tu mets la main devant la bouche, oui, je vois tes courbes, je veux dire. Oui, je sais. Ouais, donc voilà, non. Alors, je savais pas, il y avait une trilogie de romans qui est sortie après, en fait. Il y a une sortie de 95 à 2000 qui s'appelle Les Chroniques de la Terre d'Ombre, qui est beaucoup plus sombre comme histoire. Qui est inspiré du film, alors. Ouais, la suite, ça se passe 12 ans après les événements de Willow. Et c'est là, du coup, c'est beaucoup plus sombre. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, malheureusement, mais. Et voilà. Donc, a priori, c'est ce que je vous avais dit. Il y a sur Disney Plus, donc a priori. Willow est sur Disney Plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu entendre parler d'une série. Ouais, ils vont faire une série avec le Willow original. Toujours Warwick Davis ? Ouais. Bah putain, entre les Prochaines et Willow, et ça. Mais par contre, l'histoire a complètement changé. A priori, Disney Plus en mode effet féministe d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc. Bah en fait, a priori, ils partent sur. Sur trois filles qui vont aller sauver un prince dans un château avec Willow. Avec Willow, mais pourquoi ils emmènent Willow? Laissez mon enfance tranquille, en fait, juste comme ça. Arrêtez de massacrer Willow. T'as une enfance, toi. Ouais. T'as encore une âme d'enfant, quelque part. Ouais, moi, bah ouais, les visiteuses, tout ça. Ah oui, c'est bien ce qui me ressemblait. Ton âme d'enfance, elle était perdue. Voilà. Donc, non, moi j'ai bien aimé, en tout cas. Ah, heureusement, c'est toi qui l'as choisi. Ah ouais, mais bon, Doudou, après, ça aurait pu me saouler. Mais tu vois, je l'ai revu et... Ça t'a plu. En un train, moi... Ouais, non, moi, je kiffe toujours autant, moi. Ouais, j'ai toujours pas réussi à le finir, moi. Je trouve ça sympa, ceci dit, il y a des scènes que j'aime bien, mais... Mais non, c'est pas pour cette fois. Non, mais j'y arriverai un jour. J'arriverai à finir Willow. Je m'y mettrai et j'y arriverai. J'ai réussi à finir le Hobbit, j'arriverai à finir Willow. Ah, le Hobbit, moi je m'endormais. J'ai eu du mal. Je l'ai fini, forcément, j'étais au cinéma, j'avais pas le choix. Oh, moi ça m'arrive de m'endormir aussi. Ah, moi je me suis endormi. Je me suis endormi au cinéma, mais voilà. Mais, je me suis endormi. Je m'endors à chaque fois, je me lève. Ah, sera là. Ah, ouais. Ah, bah, moi je continue. Ah, bah, j'avais raté. J'ai pas vu. Ils sont encore en train de bouffer. Oh putain. Ouais, non. Moi j'ai vu Gollum monter sur la montagne et puis je l'ai vu en redescendre. Ah, cool. C'est tout. Entre les deux, je sais pas ce qui s'est passé. Non, je trouve ça moins chiant que Les Seigneurs des Anneaux, en tout cas. Bah oui, puis c'est plus court. Hein. C'est plus court. Il y en a qu'un. Je pense que Willow en trilogie, j'aurais supporté, tu vois. Contrairement aux autres. Ouais. Moi, je sais pas. Non. J'ai un doute, là. Le premier Willow fait quand même le tour du sujet. Après, c'est bon. C'est ça. Oui, si on avait fait une trilogie de Willow, c'est ce que je dis. Je pense qu'on aurait pu supporter qu'une trilogie de Seigneurs des Anneaux. Ouais. Il aurait fallu qu'il y ait d'autres histoires derrière. Déjà, je pense que rien que le premier volet Seigneurs des Anneaux, ça peut faire une trilogie de Willow. Déjà, ça durait 6 heures, le machin, c'était infernal. Et il se passait rien. Ouais, puis il n'y a pas matière. Enfin, Willow, au final, les personnages ne sont pas hyper puissants, ne sont pas très forts. L'univers n'est pas très détaillé non plus, finalement. Non, c'est assez. En effet, ça ne fait pas le copie, quoi. Qui marche bien. Bah, sur 2 heures, oui, ça tient la route. Oui, voilà, bien. Mais c'est suffisant, ouais. Ça fonctionne bien. Bah, le truc pourri dans Heroic Fantasy, il y en a plein aussi, quoi. Celui-là, il est bien. Mais il n'y aurait pas de quoi. En effet, j'avoue, quand j'ai entendu parler qu'ils allaient faire une série sur Willow, je ne suis pas très convaincu. Après, ça dépend ce que t'en fais, c'est toujours pareil. Mais franchement, j'y crois pas une seconde. En gros, ils envoient un contexte vite fait et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est vraiment histoire de faire de l'argent, je pense. Bah, vu qu'ils ont les droits maintenant. Donc, si tu as mis un univers que tu peux encore explorer, ça peut être intéressant. Regarde The Mandalorian, ça marche plutôt bien dans un univers. Ça peut marcher, mais généralement, c'est rarement réussi. Bah bon, on verra bien, mais bon. On sait, j'ai regardé la saison 1 de Snowpiercer et c'est pas mal. Ouais, j'ai pas vu ça. C'est pas mal aussi. J'ai bien. J'ai pas vu. Ouais. Ah, d'ailleurs, le film Willow, c'était un peu mythique. Hein. Beaucoup de gens se sont rencontrés et mariés. Val Kilmer avec Saoirse, la rousse. Et du coup, c'est sa femme qui a rencontré sa femme, et puis Willow qui a rencontré une naine aussi. Ils sont mariés aussi, tu vois. Il y a eu 2 mariages grâce à ce film-là. Tu vois. C'est romantique. C'est déjà ça de gagner. C'est de la romantique. Ouais. Non, Val Kilmer, il a réussi à se taper Saoirse quand même. C'est bien. Au final, bon, c'était hors caméra, mais bon. Ouais, mais quand même, hein, t'es pas dégueulasse à l'époque. Je t'avoue, je me souviens plus tellement, mais bon, je te fais confiance. Ouais. Lui aussi, d'ailleurs. Parce que là... Ouais, c'est vrai que Val Kilmer, à l'époque, était... Ouais, bah maintenant... Il est malade aussi. Oui, oui. Il a le syndrome de Pardieu, il a triplé de volume. Ils sont malades, quoi. Il est malade, ouais. Ils sont malades, les deux. Je crois que la dernière fois que j'ai vu Val Kilmer dans un film, c'était le dernier Coppola, là. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était pas mal, d'ailleurs. Moi, je pense que ça doit être Batman Forever. Il y a vraiment, moi, c'était dans la série 13, je crois. Ah non, mais dans le premier épisode. J'ai revu Hit il y a pas longtemps. Ah oui, mais Hit, voilà. Ça, il était encore normal. Ouais. Le truc de Coppola, c'est vrai. Ouais, non, mais le truc de Coppola, il était. Pas normal. Ah non, mais là, il est. C'est plus possible, quoi. Mais après, il y a des déprimes. Ça et le sein. Le ministère de la Santé, quoi. Le sein. Ah oui, c'est vrai, il a fait le sein. Ouais. Aspect de surpête. Non, mais c'est vrai que le Coppola, il est. Ouais, il est impressionnant qu'il meurt dedans. On est très en forme, je le trouve très dynamique. Oui. C'est très... Ah, ça va, ça... Cette reprise de podcast. On achète chercher nos marques, c'est pour ça. Les marques, ça va. Il y a beaucoup de bordel sur la table. Bon, bah, on essaye de faire les bons élèves. Voilà. C'est tout ça. Non, bah, pour une fois, j'ai rien écrit comme ça. C'est, tout, et... c'est bon pour moi. Hein. Eh bien, merci Julien. Bon, on va essayer de faire. C'est bon pour nous aussi, merci. Ok, tout ce qu'il y a à dire. Suivant. Salut. The omen is true. Where's the baby? My children found this baby alone by the river. This child is special. This baby will not destroy me. Find the child! Time is running out. Elora Dan has chosen you to be her guardian. Me? You need a warrior for a job like this. I'm a nobody. George Lucas and Ron Howard bring the epic adventure to new heights. We need your help. For the first time ever on Blu-ray. Fully restored in stunning high definition. With new bonus features, including deleted scenes and never-before-seen footage from the set. If the baby dies, all hope for the future is lost. Courage, Willow. Own the legend like never before. It's right. Your children will come to remember this day. Willow. Own it on Blu-ray. Bon, allez, suivant, ça va être qui, alors? Vas-y, hein. Ah bah non. Harry Potter, allez. Harry Potter, allez, c'est parti. Mais ça existe, je l'ai vu. Hein. Oui, je pense qu'il y en a un des deux qui existe. Harry Potter, c'est ça m'étonnerait pas. Ah oui, c'est ça qu'on avait et sorti. Et la braguette magique. On s'était bien marré avec ça. Et la braguette magique, bah voilà. Ouais, Harry Potter et l'ordre du pénis. Et l'ordre du pénis, ça marche, c'est aussi, ça. Oui. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un truc qui marche, bah, Harry Potter, sur tous les titres, tu peux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un porno avec Willow, tu vois? Possible. C'est possible. Pour les pecs. Un porno pour les pecs. Non, parce qu'avec les Tortues Ninja, il y en a un, avec Harry Potter, il y en a un. Ah non, non, non, sérieux. Ah oui, mais il est récent. Harry Potter, ça existe, en vrai. Oui, ben ça, oui. Mais les Tortues... T'es Tortues Ninja aussi. Tortues Ninja, ouais. Bon, on en reparlera. La bande en bande. Ouais, je crois que j'ai pas vu la bande annonce, j'ai vu l'affiche. Moi, j'ai vu la bande annonce. Il y en a 4. Et un rat. Oui, bah voilà, ça fait 5, donc, ouais. 4 tortues et un rat sur la table. C'est quelqu'un qui me l'a sur. Non, mais sur YouTube, c'était. Ah, moi aussi, j'ai vu sur Twitter, moi j'ai vu l'affiche. Ouais, je crois. J'ai vu la bande-annonce, ah oui. Bah quoi? Bah quoi? Bah dans la bande-annonce, c'est rien. Bah y'a rien. C'est juste extrêmement dérangeant. Tu m'étonnes. C'est surtout pas. Bref, donc revenons à Harry Potter. Alors, le film que j'ai vu, c'est le premier Harry Potter, donc à l'école des sorciers, où en original, c'est la pierre philosophale. Et en québécois? J'en sais rien, ils sont tarés ces gens. Ça doit donner faut que Georges Poitier. Parce que tu vas taper des procès directs. Non, mais hier on n'a pas arrêté de le faire aussi avec BMC. Faut raser le Québec. C'est pas qu'ils sont tarés, c'est que. Ils ont leur manière à eux de voir les choses. Voilà, ouais. Tu me fais beaucoup rire d'ailleurs. En gros, faut raser le Québec. Tu sais, ça doit être un titre Georges Poitier, l'illusionniste. Déjà, on peut pas faire fureur à l'international, c'est mort avec ça. Ah bah non, on va rien couper, c'est tout. Film de Chris Columbus, sorti au cinéma en France le 5 décembre 2001. Et concrètement, ce film-là, je ne l'avais pas revu depuis plus de 10 ans. Et parce qu'à la base, je voulais vous présenter un autre film doudou qui était Mon Petit Poney de l'année 86. Je me suis dit, il n'y a personne qui va se le regarder. Non, on ne saurait pas. Voilà. Je savais que personne ne regarderait mon film non plus. Donc... Mais t'as qu'à choisir un film qui est sorti partout aussi, toi. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là qui est classique et que tout le monde connaît à peu près. Donc, bon, le jeune Harry Potter qui se... Non. Non, j'ai jamais vu, moi, Harry Potter, je ne sais pas. Mais ils ont plus d'âme d'enfant, moi je l'ai vu au cinéma. Moi aussi. J'étais trop vieille quand c'est sorti. Comme Julien. Alors, t'es trop vieille quand c'est sorti. Le jeune Harry Potter, orphelin suite à la perte de ses parents, va se retrouver à vivre chez son oncle et sa tante Dursley, qui sont d'adorables personnages. La même famille que Julien, je pense. Hein. C'est ça. Hurlu et Berlu. Tous les schtroumpfs. Ah bah, c'était Willow. Hein. Aide-moi Willow. Bon, chut, je peux continuer, merde. Pardon. Tu vois, ça, on est déjà dissipé là. Pour ça, passer en premier, c'est toujours mieux. Il a l'habitude, hein, Julien. Il passe souvent en premier. Mmh. En test. Ouais, d'accord. C'est pour un petit peu élargir les horizons. Les horizons. D'accord. Donc, comme je disais, le jeune Harry Potter, il est orphelin. Du coup, il va se retrouver à vivre chez son oncle, sa tante et son cousin, qui sont fortement mauvais avec lui et le forcent de la même manière à dormir sous le placard, sous l'escalier. Jusqu'au jour où il y a une lettre un peu bizarre qui va arriver chez eux, qui va annoncer à Harry que c'est un sorcier et qu'il va devoir intégrer une école de sorcellerie très particulière qui s'appelle Poudlard, où il pourra y développer ses dons et puis trouver une vraie famille de cœur. En très gros. En très très gros. T'as rien spoilé là. Hmm? T'as rien spoilé. Non. Bah non, parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas se poiler. Oh, ouais. Moi, je veux bien, sinon, mais... Donc, comme je disais, ce film, ça fait plus de 10 ans que je l'avais pas vu, et au final, je l'ai revu il y a pas très longtemps, et j'ai été juste émerveillée. Alors certes, il y a quand même pas mal, pas des incohérences, mais des trucs qui sont un peu gros dans le film, comme des jeunes débutants qui vont réussir à se battre contre un troll. Le shonen. Enfin, déjà, des humains qui sont des sorciers, c'est déjà incohérent dès le départ, donc bon... Ça, c'est ton univers. T'as perdu ton âme d'enfant. Oui. Et si tu acceptes l'univers, accepte qu'ils se battent contre des trolls. Oui, non, mais qu'ils arrivent à le battre, alors qu'ils viennent d'arriver dans l'école. Oui, je vois. Ah, ouais. Ils savent pas lancer de sort, donc ils le poignardent avec leur baguette. Enfin, ça va... c'est ça, oui, la baguette se retrouve dans le nez. Dans le nez, c'est ça. Ouais. On a de la chance, c'est un test Covid. C'est pas dans le nez qu'il l'a eu. T'as test Covid. Faut pas aller trop loin. C'est... Ouais, ce film, il a vraiment beaucoup, beaucoup de critiques, dans le sens où aussi bah, les acteurs, forcément, ils sont très jeunes. Radcliffe. Emma Watson, je trouve que c'est la pire en premier. Ouais. Du coup, ça fait qu'il surjoue énormément, mais bon, au final, moi, en le revoyant, ça m'a même pas plus dérangé que ça. Ouais, il est quand même, comme je disais, il est vraiment critiqué, mais bon, au final, j'ai trouvé ça exceptionnel d'avoir les effets qu'il y a dans ce film-là pour l'année à laquelle il a été fait. Quoi. C'est mélange FX et... Et dur. C'est voilà, le vrai mélange. Donc, moi aussi, c'est pareil, je suis pas vraiment fan des films longs. Concrètement, celui-là, il fait 2h30. Normalement, à partir de 1h30, je me dis, bon, je vais aller me coucher, j'en ai marre. Mais au final, celui-là, il est passé super vite. Mmh. Il passe très, très facilement. Ouais, c'est le cas de tous, je crois. Ils sont tous hyper réussis. C'est vraiment une saga. T'as rien acheté, quoi. On s'emmerde jamais. Bah, des fois, il y a des petits trucs qui vieillissent très mal, qui piquent un peu les yeux. Ouais, comme, mais là, ça va. Dans le prisonnier d'Azkaban, j'ai vu aussi il n'y a pas très longtemps. Ouais. Le loup-garou, il pique. Ouais. Mais bon. C'est pour pas faire les peurs aux enfants, ça passe. Ouais, c'est possible, mais bon. Ça passe facilement. Non, j'ai adoré. Il y a des grands réalisateurs, hein, ça, y a, déjà, tu commences avec Columbus. Columbus, Azkaban, c'est. C'est pas celui qui avait fait Gravity. Oui, c'est. Quarren. C'est pas Quarren. Si, si, je crois que c'est Quarren. Celui qui est un peu noirci. Là. Ouais, mais léger. Disons que les livres étaient plus noirs. C'est à partir du quatrième, alors c'est la coupe de feu que ça commence à devenir dark. Oui. Un peu plus déjà, oui. Ouais. C'est mais par contre, les films, moi, à partir du 4, j'ai arrêté de les voir. Donc. Bah, c'est dommage. J'ai jamais vu les deux derniers. Moi, j'ai lu les livres, par contre, mais les films. Ah, j'ai commencé, du coup, à les lire après. J'avais peur de m'emmerder vu que j'avais vu les films, en fait, non. Non, les livres, ils sont sympas. C'est vraiment bien. Et les films sont desservis par un casting de dingue aussi. Il y a tous les meilleurs acteurs anglais qui sont dans cette saga. Je trouve que. Moi, j'en ai rien à dire. Moi, c'est une de mes sagas préférées. Je trouve que c'est. Sans détrôner certaines, en mon cas. Non, puis même il y a des belles choses qui sont dites dans ce film. Oh putain, elle va dire une connerie là. Non. Ah bon? Pas cette fois. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves à rire en oubliant de vivre. Dumbledore. Pas mal. C'est profond, Julien, je t'entends. Joli. Toi, t'es en train de trouver ça plan-plan. Oh, moi, je dis rien, moi. Justement, quand tu dis rien, c'est vraiment mauvais signe. Non, voilà. C'est tout. Il est chouette ce film. Faut le voir. Bah, moi j'en ai des bons souvenirs. J'avais vu ça au cinéma, j'étais plus petit, j'avais trouvé ça pas mal. C'était un bon film pour enfants. Quoi. Bah, mm-hmm. Du coup, ce sera l'occasion peut-être de le voir avec les avec enfants. Jojo, quoi. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que. Après Gremlins. Faut trouver l'occasion. Mon petit poney. Qui est écrit par Chris Columbus. Par Chris Columbus, exact. Pour le loot. Bah, déjà, les deux, ils se payent régulièrement. Maman, j'ai raté l'avion, qu'est-ce qu'il rigole. Il est bon pour les enfants, Chris Columbus. Ouais. Ouais, c'était un bon choix pour celui-là, quoi. Parce que, comme on a dit, la saga, elle évolue en même temps que l'âge des personnages, ça devient de plus en plus sombre, et ça finit quand même par une guerre, avec tout ce que ça incombe comme perte de mort. Ouais. Et ça, c'est intéressant, d'ailleurs, c'est un auteur qui a pas hésité à tuer ses personnages. À la fin, quand même. Ouais, il a attendu la fin. On spoilera pas, mais justement, c'est vraiment une saga qui... Qui grandit avec les enfants. Exactement. Ouais, qui a pris des risques. Et puis c'est pas 100% du happy end, quoi. C'est, non, loin de là. Ouais. Ça, même, ça reste super sombre. La un France, peu réaliste sur les bords. La France, c'est plus, ça commence par un truc mignon pour enfants et ça finit presque pour un film pour adultes. Ouais. Bons ados. Quoi. Ouais, bons ados plutôt. Non, c'est... Ils sont tous bons, bien réalisés, je trouve. J'adore. La saga. Ouais, bah en fait, c'est ça. Il y en a combien en Harry Potter? Il faut que tu vois les 8. 8 en fait. 8 ouais. Le 7ème, il est divisé en 2. Ouais, le 2, oui. Parfait. Et là, c'est fini? Non, ils sont en train de prévoir une suite. Il y a les crimes de Grindelwald. Non, mais ils sont en train de prévoir encore une suite. Encore, les animaux fantastiques. Moi, j'ai vu le premier. C'est une série, quoi. C'était l'univers, mais les personnages en moins. Je crois. C'était l'univers, mais avant, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Les enfants d'Harry Potter. Moi, j'ai pas. J'ai un gros doute. C'est un peu la prélogie Star Wars, t'es là, c'est la même chose. T'as l'univers sympa, mais t'aimes pas les personnages, t'aimes pas ce qu'on te raconte, ça t'intéresse pas. Quoi, c'est okay. Aucun intérêt. Chouette. Enfin, tant que c'est pas la post-logie Star Wars, c'est déjà pas si mal. Hein. Oui, c'est vrai, ça va sûrement venir parce qu'ils travaillent sur une suite, donc on va y avoir. T'as vachement envie de voir Harry Potter, c'est content, t'en as rien à tirer de voir Harry Potter. Ça pourrait être rigolo, Harry Potter, à 50 ans. J'ai envie de dire, ils ont fait, sans spoiler, ça à la fin du dernier film. Ce qui apparemment n'est pas dans les bouquins. Non, j'allais dire, dans les bouquins, c'est. Ils ont pas pu s'empêcher de faire un 20 ans plus tard. Ridicule, tu vois le truc, c'est ridicule. Si tu vieillis des acteurs. 20 ans plus tard, il est fonctionnaire. Ah ouais, ça marche. J'ai jamais de lire des acteurs de 15 ans pour faire croire qu'ils ont 40 ans. Ça, déjà, et puis en général, quand tu veux dire. Ouais. Finir sur un truc 20 ans plus tard, souvent tu te plantes. Ouais, surtout qu'en fait, ils auraient fini juste à la fin des combats. Là, à la fin de la guerre, voilà. C'était genre, waouh, putain, la vache, quoi, il est badass en fait. Le petit con à lunettes en fait. J'ai du mal à associer Harry Potter à badass. Ouais, les derniers du coup, parce que pour moi. Ça devient intéressant. Il mérite toujours des claques. Il y a un côté un peu, tu sais, dans la. Frodon qui bascule dans la folie. Ouais, c'est à la fin du Seigneur des Anneaux, il loue toute sa vie, il est bien méchant, enfin pas méchant, mais un peu. Sur les nerfs. Un peu dingo. Ouais, voilà, c'est pas mal ça. Bref. Bon choix. Très bon choix. Merci. Pour une fois que quelqu'un me fait un compliment sur le choix de mon film. Ah bon, une fois que tu prends pas un film qui. Ou le. Genre Beethoven ou Flipper. Ouais, Beethoven, c'était ou bien. Ouais, Flubber, c'était nul. Bon. Ah non, c'était sympa. Ouais, Flubber, on l'a revu, même Jojo a dit putain, c'est pas terrible. Enfin, il a pas dit putain, il a dit c'est pas terrible. Ouais, c'est un peu long, hein. Ouais. Ouais, tiens le coup. Toi qui l'a fait rigoler, c'est les méchants qui prennent la boule de bowling sur la gueule, mais en dehors de ça. Ouais, T'avais fait Antarctica aussi. Oui. Ouais. Oh non, mais ça, c'est pas... Non. Oui, mais si, t'avais fait des trucs bien quand même, mais Flubber, c'était nul. Non, mais Antarctica, c'était long. C'était long et triste. Ah, d'ailleurs, si vous voulez, je crois qu'Antarctica, il est aussi sur Disney+. Hein. Oh là là, non, merci. Si vous voulez une petite soirée dépression... Les gens, ils payent pour ça, quoi. Mais moi, j'aime bien Disney+. Maintenant, il y a Star, il y a plein de trucs. Ah, vous l'avez pris... Ouais, mais nous, on l'a pris en janvier, donc il n'y avait pas encore ça. Ouais, bah nous aussi, on l'a pris en... On s'est dit que, ouais, pour une famille, c'est génial, quand même. Ouais. Mais pour deux adultes, là, c'est vite emmerdé. J'ai bingé le Mandalorian et c'est tout, quoi. Bah, il y a Mandalorian. Moi, j'aime bien aussi Le Monde sur Jeff Goldblum, là, le documentaire. Est vachement sympa. C'est vraiment sympa. Je me suis pas... Je suis hyper fan. Ils ont des documentaires sur les parcs qui sont pas mal. Okay. Moi j'aime bien, vu là avec Star, il y a plein de trucs à voir. Quoi. Bah, j'ai vu leur catalogue, mais c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est que des gros trucs. C'est des trucs que t'as déjà vu. Hein. Enfin, moi j'ai jamais vu 24 heures chrono, par exemple, j'ai commencé, je me suis dit tiens, je vais regarder ça. Ouais, mais c'est aussi sur Netflix. Souvent ils se partagent tout entre Amazon. Vu que j'ai pas Netflix, du coup, j'ai Amazon, mais pas Netflix. Sur Amazon, ils commencent à sortir les séries des années 90 aussi. Bah, j'attends qu'ils sortent MacGyver du coup sur Amazon, ce serait bien. Ils ont mis le nouveau, mais il n'y a pas l'ancien. Ouais, MacGyver, j'ai pas regardé un seul épisode du nouveau, ça me dit absolument rien. Non, ça me dit déjà rien que la gueule du mec. Ouais, il y a une j'ai envie de lui mettre deux claques, juste ça en fait. Ça Ça, il a pas du tout la classe qu'avait le mec Richard Gamer. Ouais, par contre, c'est vrai que tu dors bien, tu mets ça, tu roupies tranquillement. Le mulet. Pareil, ils ont sorti une nouvelle version de Magnum, elle est aussi sur Amazon. Oh, elle est pétée. Voilà, c'est. Il n'y a pas la moustache de Tom Selleck, non mais. Non, il n'y a pas que la moustache qui manque. Non, mais déjà, il n'y a pas la moustache de Tom Selleck, c'est. Il n'y a pas la chemise à fleurs. Si, il y a la chemise à fleurs, mais tout le monde ne peut pas porter la chemise à fleurs. Ah, tu l'étonnes. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier, Harry. Je suis à quoi ? Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous rejoindrez vos condisciples. Méfiez-vous des escaliers. Ils n'en font qu'à leur tête. Bonjour les enfants et bienvenue à votre première leçon de vol. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Debout, debout. Wow. Monsieur Londubat, monsieur Londubat, monsieur Londubat, où comptez-vous aller comme ça? Tu as vraiment cette cicatrice? Fantastique. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Les premières années doivent savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la forêt. Aucun tour de magie ne doit être fait dans les couloirs entre les cours. Petrificus, totalis. Et que l'accès au couloir du troisième étage est interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Un troll dans les cachots! Sache une chose, Harry, c'est très important. Les sorciers ne sont pas tous gentils. Je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire renvoyer. Elle aurait besoin de revoir l'ordre de ses priorités. Il me paraît évident que vous ferez de grandes choses, Monsieur Potter. Vous y arrivez, c'est bien. Ah oui, mais on est professionnel ou pas? Ouais, non, mais je vois ça. C'est ça. Il y a un vivier de talent ici. Mais oui. Bon, alors on enchaîne par qui? Je me lance. Bon, bah vas-y, lance-toi. D'accord. Je l'attendais. Oh non, je suis pas à côté de la fenêtre. T'es loin la réaction. Donc, moi, je vais vous parler de mon film doudou qui est La vie rêvée de Walter Mitty. Donc, c'est pas un film... c'est pas le plus vieux hein, de tous ceux qu'on fait, là. Je crois ça même que c'est le plus jeune, je ça doit être le plus récent. Ouais. Il est sorti en 2013. Déjà, putain, ouais. Oui, tu vis. 2013, Emily était enceinte de Jojo quand on l'a vu. Ouais. Et ouais, tu me spoil, en fait, là. Ah, c'est moi qui te présente. Ah, pardon, t'allais le dire. Oui, merci, Julia. Ouais. En fait, voilà, c'est... Olivier l'a dit, c'est un peu... c'est mon film doudou parce que c'est l'un des premiers films qu'on a vus au cinéma tous les deux. Et le dernier. Et donc, en fait, c'est une comédie dramatique américaine, bien sûr, qui a été réalisée, produite et jouée par Ben Stiller. Ouais, il endosse les trois rôles. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans un rôle un peu comme ça, où d'habitude il est un peu... excessif. Un peu excessif, un peu bébête et très maladroit. Et là, on retrouve en fait... le scénario, c'est Steve Conrad. Je sais plus ce qu'il avait fait Steve Conrad, ça me dit quelque chose. Je sais pas non plus, mais non. Le scénario, de toute façon, c'est un remake, La vie rêvée de Walter Mitty. Voilà, en fait, c'est une adaptation à la base de Secret Life of Walter Mitty, en 1939. Et c'est un film qui est sorti, du coup, en Amérique, le 25 décembre 2013, donc... Pour Noël, donc okay. D'où le côté un peu doudou, festif, et sympa et familial. Donc en fait, c'est l'histoire de Walter Mitty, qui travaille dans un magazine qui s'appelle Life, et en fait, il est au service négatif photo pour les couvertures du magazine. Et il est voilà, d'une nature très timide. Il est un peu dans sa petite cave comme ça, dans la boîte. Et en fait, il est amoureux secrètement d'une collègue, donc qui est jouée par Shirley MacLaine, je crois, c'est elle, ou Kristen Wiig, je sais Kristen plus. Wiig, c'est plutôt. Kristen Wiig, pardon. Et donc, bah et voilà, il a un peu du mal à l'aborder. Donc en fait, il va utiliser un site de rencontre pour l'aborder. La stalker. Pardon. La stalker sur internet. Ouais. Pervers. Hashtag balance ton port. Et donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de départ. Et en fait, le jour de l'anniversaire de Walter Mitty, il reçoit une pellicule donc d'un photographe très renommé qui est joué par Sean Penn. Donc c'est Sean O'Connell dans le film. Et donc il lui recommande une photo pour la dernière couverture du magazine Life, parce qu'ensuite ils vont faire que du numérique. Donc, il n'y aura plus de photos. Donc, en fait, c'est vraiment la dernière photo. Et il lui recommande une photo sur une pellicule. Mais il s'aperçoit, en fait, qu'il manque cette photo dans la planche qu'il lui a envoyée. Et il lui offre également un portefeuille. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le... Voilà, le décor est planté. Et donc, Walter Mitty va tout faire pour retrouver, en fait, ce photographe qui parcourt un peu le monde. C'est un peu les aventures voilà de sa voilà pour enfin il le cherche partout parce que Sean O'Connell il photographie le monde entier et sans dire où il va surtout donc c'est un peu le jeu de piste et en fait il va essayer de retrouver ce photographe avec l'aide de cette collègue qui va finir par l'aider à retrouver donc c'est un peu l'aventure amoureuse qui va se dessiner, et puis voilà, je dis pas la suite. Il sera aussi aidé par le mec du site de rencontre. Oui. Au téléphone. Oui, oui. Il va être... Et donc, c'est au-delà de... Voilà, de... C'est vraiment un film où on voyage aussi, enfin, dans le sens... on voyage dans l'esprit de quelqu'un qui a son petit taf, sa petite routine, etc. Et en fait, voilà, on dirait que il avait besoin de sortir un peu de tout ça pour vaincre un peu sa timidité, etc. Et voilà, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde, il a un peu de fantaisie dans sa vie, enfin. Il a un gros peu de fantaisie, même. Parce que, voilà. Non, mais c'est vrai que il a une très bonne imagination. Quoi. Ouais. Oui, voilà, il imagine... Il va enfin vivre quelque chose dans sa vie. Voilà, ça, il va enfin... quelque chose de sourd. Voilà. Et donc, voilà, c'est un film hyper positif... hyper optimiste, frais. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Ça donne envie de voyager. Ouais. Moi je l'ai trouvé doux. Oui. Ouais. Non, je me suis arrêté à 52. Oh toi t'es toi. Ah merde. C'est très romantique hein. C'est vrai qu'il y a des justement. Non mais je comprends. C'était pas romantique. Je comprends. Il y a des petites longueurs notamment quand il est. Non, mais surtout quand la meuf chantille, il sautait sur l'hélicoptère, ça m'a saoulé, j'ai putain. Ah oui, je trouve ça rigolo, mais j'aime bien la chanson. Oh putain. Ça m'a saoulé. Non mais je peux comprendre. Moi j'ai aussi trouvé qu'il y avait des petites longueurs. Il y a des moments que j'aime moins, mais c'est vrai que ça fait partie du mystère. On dirait que le mec il peut pas se bouger le cul tout seul. Il faut que quelqu'un le pousse un petit peu. Ouais bah il imagine qu'on lui pousse au cul. Oui oui, je dis pas le contraire, mais. Et puis c'est quelque chose de pas habituel, la manière dont, en fait, pas tant le scénario, mais vraiment la manière dont c'est filmé. C'est mêlé, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un peu, il va, par exemple, à un moment donné, il va en Islande essayer de retrouver le photographe, il échappe à l'éruption du volcan, je dirais pas son nom. Voilà. Enfin voilà, c'est assez spectaculaire, ça fait vraiment un rêve éveillé, quoi. Sauf que là, il rêve pas cette fois. Sauf que là, il rêve pas. Et voilà, il y a ce petit côté, je trouve que c'est hyper bien réalisé. Je dis pas le contraire, mais, non, moi, mais voilà. Ça m'a... Voilà, j'étais pas en période, j'étais fatigué, j'étais en mode... Bah, il y a des petites longueurs, c'est pas un film d'action non plus, donc c'est vrai que... Je regarde pas que les films d'action, mais... C'est vrai on a regardé la première partie ensemble, y a des longueurs. Moi je l'ai vu en deux fois. Au début, je me suis dit, ouais, bon, ok, ça paraît un peu facile, certains trucs, puis au final, après, en ayant vu la fin, je l'ai... Ouais, c'était mignon quand même. Il y a des longueurs avec le photographe notamment, mais justement, c'est quand on est photographe et qu'on photographe surtout la nature, les animaux, etc. Il faut faire preuve d'une patience. Et en fait, cette lenteur, elle est adaptée. Après, on peut ne pas aimer, mais elle est adaptée justement au photographe qui va rester là pendant des heures à essayer de choper la bonne photo. Il va rester. Pour au final, ne pas prendre la photo. Pour ne pas la prendre. Pour ne pas la prendre. Parce que tu peux, que t'es obligé de le faire. Ou d'attendre une lumière particulière, d'un coucher de soleil, etc. Donc, en fait, on vit vraiment cette patience qu'il faut et on la ressent tout à fait dans la réalisation, je trouve. Mais ouais, on peut. Enfin, pour moi, c'est justifié de ce sens-là, mais après, on n'est pas obligé d'adhérer. Moi, je voulais qu'il se noie quand il était en train de se... Méchant. Ouais, bah, quoi. Ah, il est méchant. Oui, je suis méchant. Et surtout, quand il va dans ces paysages, on sort de New York, ouais. On est dans des paysages à perte de vue. C'est le dépaysement, ça, on voyage aussi avec lui. Enfin, je trouve ça... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Julien qui fait du mime. Et Louise aussi, un petit peu. Non, c'est juste pour suivre. Hein, parce que... Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. C'est bien, Raph. Hyper fun. Merde, alors, t'es dans une bonne humeur, toi, t'aimes tous les films. C'est pour une fois où je fais aussi des films que j'aime et pas des grosses bouses. à la Transformers. Mais tiens, ça fait. On n'a jamais parlé de Transformers. Non, on n'a jamais parlé de Transformers. Là, film de deux Transformers, c'est vieux. J'essaie de regarder, moi, j'arrive. Moi, j'aime bien le premier. En même temps, forcément, on parle pas de Greg Araki aujourd'hui. Ben voilà, exactement. On n'a pas parlé de viol dans. Mais on va peut-être en parler. Non, Walter Mitty, je trouvais ça bien aussi. C'est vrai que ça, c'est tendre, c'est gentil. C'est optimiste, enfin ouais. Voilà, c'est. Mais c'est vrai que le final est vraiment intelligent. Le coup de la photo, on va pas spoiler. Bah non, spoiler, bien sûr. C'est vraiment très très malin. Parce que du coup, moi, j'ai passé la moitié du film à me dire, ça va forcément être une photo auquel on s'attend un peu, mais. Mais. Mais celle-là, elle est très forte. Tu dis, il y a comment... quand même couru après tout autour du monde. Double surprise, quoi. C'est ça. Donc, je vous le recommande. Ouais. Si vous l'avez pas vu. Et ils arrivent même à rendre Sean Penn agréable dans ce film. Il a même l'air sympathique, quoi. Il a le même prénom en plus, donc il était un peu flanté. Pour retenir pour lui. C'est ça. Hein, il a toujours cette attitude, Sean Penn, un peu hyper posé, hyper toujours concentré, pas souriant, quoi. Enfin... On dirait Julien. Bon, moi, je ne suis qu'amour, moi. Ouais, et sourire. Amour et eau fraîche, ouais, bien sûr. Ben Stiller, dans le rôle du photographe, n'aurait pas été. Du coup, c'est très bien, vu, quoi. Donc, Non, puis Ben Stiller, c'est un bon réalisateur, quoi. Oui. J'aime bien ce qu'il fait en général. J'avais bien aimé Tonnerre sous les tropiques aussi. Pour le coup, c'était un peu plus rythmé, mais. C'est vrai, quand on le voit habituellement dans les comédies comme Beau-père et moi, ou je sais pas, des trucs un peu. Pour bien payer ses factures. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Dans mon Beau-père et moi, c'est De Niro qui me fait plus de peine, hein, pour le coup. Mais voilà, c'est toujours, il a toujours des rôles un peu bêtes. Ouais, un peu clownesque. Voilà. Quoi, parce que c'est pas là, il a toujours son côté Hollander, un peu. Il avait mis la barre très haut, là, au moins. Il a toujours son côté un peu naïf et timide. Ça lui colle à la peau, mais voilà, c'est assumé, quoi. Ah ouais, bah, ça, c'est énorme, ce film. Mais pour moi, Walter Mitty, c'est quand même son meilleur, je trouve. Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? Bonjour, je n'arrive pas à envoyer de clin d'œil à quelqu'un. D'accord, je jette un coup d'œil à votre profil. Vous avez laissé beaucoup de cases vides. Eh bien, je n'ai jamais vraiment visité de lieu remarquable ou digne d'intérêt. Mais vous n'avez jamais rien fait de remarquable ou digne d'intérêt ? Is this the real life ? Est-ce que vous êtes digne d'intérêt ? Hey, vous êtes là ? Oui, j'ai juste déconnecté. Ah, d'accord. Ça vous arrive souvent ? Nous allons avoir le privilège de publier le tout dernier numéro de Life Magazine. Jumping up and down the floor. Et pour ce dernier numéro, nous venons de recevoir le négatif 25 de Sean O'Connell qui fera la couverture. Où est le 25 ? Il y est pas. Je vois bien. La glace, oui, elle bouge comme une femme. Où étiez-vous ? Je sondais les limites de l'esprit humain. Je planterai bien mon petit drapeau sur votre tête. Salut. Salut. Alors, ce week-end ? Oh, c'était super ! Waouh. Comment tu appelles ça déjà quand il part dans son monde ? Il déconnecte. Tu fais ça parfois. Qu'est-ce que t'as ? J'ai perdu une photo. Oh ! Quand je vous revois, je vois la photo. Oh ! Hey, la machine à rêve. Quand je vous revois, vous voyez la photo. Vous devriez foncer. Élucider le mystère. J'adore les mystères. On pense que ça colle pas. Et en fait, on se rend compte que si. Et tout prend finalement sens. Avant, j'avais une idée précise de ce que je voulais être. De ce que je voulais faire. La vie, ça manque du courage et des sauts dans l'inconnu. C'est bon, Julien, tu veux dire une connerie, vas-y, on a passé. Non, bah non, c'est bon, je sais jamais quand est-ce qu'on va attendre des bisous. Bah, quand il y a un blanc, tu le laisses continuer. Regarde, tu vois. Regarde le, observe le regard dans les 10 secondes. Si tu vois des fusils, c'est que je vais te tuer. Bon, allez, on passe à qui ? Il a les yeux revolver. De toute façon, personne n'a vu mon film et tout le monde s'en fout. Alors, pour le coup, non. Moi, j'aurais bien aimé le voir. Mais quelque chose en a empêché. Bah, le peu de diffusion du film en question. Nos millions d'auditeurs se courront acheter le Blu-ray après moi. Et t'es sûr qu'il est sorti le Blu-ray ? Je l'ai. D'accord, Blu-ray. Bon bah ça va. Je l'ai en Blu-ray. Alors, moi, j'ai pas forcément joué le jeu parce que je trouvais que cette thématique de film doudou était vraiment pourrie. Et d'ailleurs, on a même pas voté cette thématique. Je tiens à dire, on nous l'a imposée. Oui. Bah, je t'ai dit, en même temps, vous pouvez prendre le film que vous voulez, donc ça va. Alors, j'ai joué le jeu dans le sens où je me suis dit, est-ce que j'ai encore un film doudou à mon âge? Sans viol d'enfant. Je me suis dit, non. Un viol d'enfant, je pense. J'ai réfléchi au film qui aurait pu avoir cet effet-là dans ma vie, mais je pense que le premier, ça devait être L'Histoire sans fin. Mais j'avais pas envie d'en parler là. Je pense que quand j'étais ado, c'était American Pie, c'est un film que j'ai beaucoup regardé. Il y avait un truc, je sais pas, dans ces personnages qui me, dans leur loose et tout, qui me réconfortait, au final, qui a assez plein de bonnes vibes, au final, même si c'est des débiles, si c'est des vulgaires. Ouais, tu disais que c'était pire que toi, quoi. Et, je pense qu'après, je pense que c'est peut-être les poupées russes qui faisaient aussi cet effet-là, mais comme j'ai déjà parlé je me suis déjà assez fait lyncher sur Clapiche ici. C'est pas Clapiche le problème, c'est Romain Duris. Romain Duris, j'ai pas voulu recommencer, donc j'ai plutôt choisi un film. C'est Clapiche aussi, parce qu'il a tout le temps Romain Duris, pardon. Oui. J'ai choisi un film, à défaut, qui défoule et qu'on pourrait appeler de attention, c'est un mot compliqué, de cathartique. Oh, je croyais que t'allais dire exutoire. Le cathartique, c'est bien aussi. Alors, God Bless America, sorti en 2011. Film... C'était bien, ouais. Parce que je m'aperçois que j'avais pas mis le nom du réalisateur qui a un nom... Bobcat Goldthwait. Alors, non mais, c'est moi qui le dis parce qu'il est tellement compliqué. Ah, vas-y, dis-le avec plaisir. Bobcat Goldthwait. Voilà. C'est Zed dans Police Academy. Exactement. Donc il s'est fait connaître dans Police Academy dans le rôle de Zed. Donc déjà ça annonce la couleur du grand acteur. Donc acteur de second rôle au cinéma comme à la télé, qui a joué dans Urgence, dans Marie deux enfants, dans Les Contes de la crypte. C'est bien doudou ça. Mais rien de notable et God Bless America donc est son dernier film en date qui a eu un bon accueil mais sans plus. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est plutôt bien noté. Bon, on va dire un film moyen. L'intérêt est plutôt qu'il est joué par Joel Murray, donc le petit frère de Bill Murray, qui... Alors, je sais pas si c'est de famille ou si c'est par copie, mais qui partage cette espèce de nonchalance blasée qui colle à la peau de Bill Murray qu'on aime tous. Ou pour certains. Non, c'est pour le bruit de la chaise qu'il a fait. Le bruit de la chaise, moi j'aime bien. Et il est accompagné d'une jeune actrice qui n'a pas fait grand chose depuis, qui s'appelle Tara Linebar. Et voilà pour le grand casting que personne connaît, mais voilà. Alors, de quoi ça parle, God Bless America? Donc, c'est le scénario de la journée de merde, on ne peut plus classique. Donc, exactement, ouais, avec des explosions en moins, quoique. Donc, c'est l'histoire de Frank, un employé modeste de bureau dans un open space, dans un boulot. Tu sais pas ce qu'il fait, mais tu soupçonnes que c'est chiant à crever, qu'il doit rentrer des chiffres dans un ordi toute la journée. Il est divorcé, sa femme se remarie, sa gosse est insupportable et refuse de le voir. Il a des voisins cassos à côté qui font du bruit toute la nuit, qui l'empêchent de dormir. Et donc déjà, tu vois qu'il... Alors c'est pareil, c'est un peu le personnage trash de Walter Mitty, dans le sens où il imagine tous les soirs éclater. Le film ouvre là-dessus, sur ses voisins qui font du bruit, et lui qui rentre dans leur appart et qui commence par shooter le bébé à coups de fusil à pompe, ce genre de choses. Il fait poule. Ça annonce la couleur du film, en fait, assez humour trash. Oh là là, c'est violent quand même. C'est assez violent, ouais. Et drôle. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un bébé servir de cible. Et donc en fait, donc voilà. Et donc la première partie du film commence par poser, du coup par présenter le personnage. Et donc sa journée commence où bah il se fait virer. Et en plus on lui annonce qu'il a un cancer du cerveau, qu'il est condamné, que c'est une histoire de semaines. Donc il va pour se suicider. Après tout, il y a pas grand chose qui le retient. Et là en fait il regarde la télé et il y a eu pas mal d'implants sur la télé ou la radio avant ça, et il est en fait il est très blasé de la société américaine, très horrifié de la méchanceté et de la vulgarité présente dans les médias ou les chaînes. Et là tu le vois voler la voiture de ses voisins et partir en virée, et tu réalises qu'il va vouloir faire un peu le ménage avant de partir, en fait. Et c'est là le speech réel du film. C'est un road movie. Il rencontre donc une ado sur sa route qui est pareil, qui est très cynique, qui est très blasée et qui déteste la terre entière. Et donc à deux, dans une sorte de revisite de Bonnie and Clyde, ils décident de punir tous les gens qui sont méchants, inutilement méchants, agressifs et vulgaires. Du monde, donc ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Paquet, surtout aux États-Unis. Hein. Surtout aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un film américain qui est extrêmement anti-américain, donc ça se voit pas tous les jours. Et du coup, c'est assez cool. C'est assez cool parce que ils font un peu tout ce que tu rêverais de faire sans le faire, parce que t'es pas un sociopathe comme eux, savoir dégommer le mec qui fait du bruit au cinéma, qui téléphone au cinéma, qui fait du bruit, dégommer le mec, exploser le mec qui s'est garé sur trois places de parking quand on a rien à carrer, tuer Cyril Hanouna, ou son équivalent dans le film, en fait, ce genre de choses, en fait. Et du coup, c'est vraiment un film pour se défouler quand toi-même t'as passé une journée de merde et que t'aimerais bien toi aussi défoncer la terre entière. Le duo fonctionne très bien, le duo d'acteurs fonctionne vraiment bien. Entre le vieux quinca blasé et l'ado surexcité. Et c'est, malgré tout ça, c'est un film plutôt good vibes, un peu à la, un peu à la Walter Mitty ou à la Little Miss Sunshine d'un road movie où tu traverses des paysages, t'as du bon son, ça reste une comédie, mais du coup en plus trash. Et qui... Non, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler, mais... Regardez-le. Moi, ouais, c'est bien vendu, hein, je trouve. Oui, mais on n'a pas trouvé. On a essayé de le regarder, mais on n'a pas trouvé. Alors, je pense qu'on lance une pétition pour ça, ça soit sur Amazon ou sur Disney+. Non, ouais. Disney+. Je l'avais acheté en Blu-ray. Disney+. Je l'avais acheté en Blu-ray à sa sortie. Bah, Star, c'est plus de 18 ans. C'est vrai qu'il est pas très connu, à mon avis, ça tu verras pas sur Disney+. Je crois mais... plus sur Amazon. Sur Amazon, ouais, Amazon, mais il y est pas, j'ai vérifié, il y est pas. Moi aussi, j'ai regardé. Au cas où j'avais la flemme de mettre le Blu-ray dans le lecteur. J'en suis là. Tu rigoles, je fais souvent ça aussi. J'en suis là. Bah ouais, c'est bon, il est sur Disney+, je vais pas chercher le DVD. Et puis c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de film, en fait, hyper culotté, quoi. C'est un genre de GTA pour se défouler. C'est un peu ça, ouais. Non, GTA pour se défouler, c'est hyper tension, du coup. Oui, aussi. Oui, c'est oui, con. Oui, mais tu vois, quand quelqu'un te méfie, il te coupe la route. Sauf que là, en plus, c'est vraiment réaliste. C'est vraiment le mec qui a rien à perdre et qui dit « je vais partir tout seul ». T'es un peu entre tueur-né et... Ouais, mais alors le côté... Sauf que là, ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment... c'est pas des psychopathes, c'est pas des... Ils sont pas malades. C'est vraiment un mec qui en a marre, en fait. Qui est brisé de la vie, en effet. Il a plus rien à perdre. Il est dégoûté par la société dans laquelle il vit. Il est dégoûté de la politique. Il est dégoûté des hommes médiatiques. Il est dégoûté du monde qui l'entoure. Et il décide de pas partir tout seul, quoi. Et ça me faisait penser à Chute Libre, là, c'est ça le mot. Oui, voilà. C'est, un peu plus Chute Libre, ouais, exactement. Hein, ouais. Qui a été assez oublié d'ailleurs ce film. Non, qui avait été. On en entend parler. Il ne passe pas non plus. Ah, il a peut-être plus de la parodie de Dizzy la Peste. Oui, voilà. Ouais. Je pète les plombs. Voilà. Bah, je te dis, mais il est un peu hard pour passer sur TF1. Ouais, je croyais pas passer sur. Bon, je croyais qu'il passait sur France 3 en deuxième partie de soirée. Quand je l'ai vu. Deuxième partie de soirée. Toujours en deuxième partie de soirée. Je pense. Que tu veux dire. Ouais, à l'époque. Le jeudi soir. Parce que je l'ai pas vu. À l'époque, quand il y avait que 3 chaînes, tu te souviens? Ouais, mais moi aussi. On parle d'un certain temps, je crois que c'est ça. Moi aussi, c'est comme ça que je l'avais vu. Bah, en fait, les meilleurs films, c'est ce soir-là. C'était pas. Parce qu'on a les visiteurs 15 fois par an. Ça, les jeunes ne sauront jamais ce que c'est d'avoir les mêmes films tous les ans. C'est clair. Si, mais si Joseph en DVD a regardé le même film tout le temps, donc c'est pareil, sauf qu'en plus, il le choisit. Puis tous les ans aussi, on avait Le Père Noël est une ordure. Pourquoi tu parles de passé ? On l'a toujours. On l'a toujours. Et les gendarmes. C'était à l'été. Avec Kickboxer, avec Jean-Claude Van Damme. J'aurais plutôt regardé Kickboxer cet été que les gendarmes, mais bon, on a regardé les gendarmes avec Jojo. D'ailleurs, je me souviens, premier confinement l'année dernière, à cette période-là, ils avaient passé la soupe aux choux, parce que moi, je l'avais jamais vue. Ah, on a vu la soupe aux choux. C'était cool, la soupe aux choux. Ouais. C'est beaucoup moins bête que ce que je pensais, en fait. C'est surprenant. Je lisais un article là-dessus l'autre jour, justement, ça j'aimerais bien le revoir, du coup, parce qu'il parlait justement d'une lecture plus intellectuelle du film. C'est vrai que c'est pas le souvenir que j'en ai. Le premier quart d'heure, le mec il pète en tempo avec l'orage, tu dis oh putain, le film il va être très très bon. Mais en fait, non, après, c'est vraiment des trucs qui sont beaucoup plus intelligents que ça. Et c'est même moins con que le gendarme, du coup. Hein. Ouais, non, le gendarme, c'est vraiment très bête. Bah ouais, bon, c'est de finesse, c'est clownesque. Mais après, voilà. Là, justement, il va faire. Là, il y a un côté réfléchi. Je sais pas, j'aimais bien ce humour de gag, en fait. Qui... Bah, on peut le retrouver un peu chez Ben Stiller, des fois, comme Lumière sous les Tropiques ou ce genre de choses où il pousse le potard à fond. Bah, mon beau-père et moi, c'est ça, hein, c'est l'humour de gag. Mais que j'aimais bien, d'ailleurs, le premier, ouais, le premier peut passer, deuxième. Bah après, c'est comme souvent les suites, c'est la lampe à l'œil d'être, c'est dommage, mais. Le premier, t'es drôle. Le mec, il a vraiment. Bah, lui, c'est vraiment la journée de merde. C'est vraiment pas de chance, quand même. Mais Tiller, c'est aussi Marié à tout prix, hein. Ouais, c'est Marié à tout prix. Oui, Et bah, les frères Farrelly, quoi. Les comédies les plus fines de l'histoire du cinéma, quoi. Bah, deux en un est plutôt pas mal fin, au final. Deux en un. Avec les farciens mois qui se séparent. Ah, celui-là, je le connais pas. Ça, des fois, c'était vraiment long dans le trash, mais c'était plutôt malin. C'était plutôt pas mal. Bah, Food Irene, Dumb and Dumber, qui est quand même. Food Irene, faut que je revoie Dumb and Dumber, j'ai pas réussi. Et alors, Dumb and Dumber, j'ai une anecdote, parce que moi, c'est une des comédies préférées. Avec une pote, à chaque fois qu'on se voit, on le regarde. Donc, on le regarde au moins une fois par an. Et il est, je crois que c'est sur Amazon. Il était sur Amazon, ouais. Et c'est pas la version française. C'est dans le sens où, c'est pas le montage français ou européen. Ouais. On a scotché sur une version avec plein de scènes qu'on n'a pas chez nous, qui sont extrêmement dérangeantes. C'est hyper homophobe, en fait. C'est bourré de scènes homophobes où il se passe des... C'était doublé? Je sais pas, j'ai commencé moi sur Amazon, donc oui, c'était doublé. Mais c'est pas que les dialogues, c'est des ajouts de scènes qui sont pas dans la version, parce que moi j'ai le DVD, et qui sont pas, qui sont complètement. Non, mais est-ce que les scènes en plus sont doublées? C'est juste pour savoir, est-ce que c'est une version de temps en temps? J'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu en VF ou si c'est une VF ou une VO, On a... Parce que de temps en temps, ils trouvent, tu vois, ils ont une master, ils disent, il y a les scènes en plus, on va les passer en sous-titré, on se prend pas la tête. Juste pour ça. Bah, peut-être, ouais. C'est pas... En tout cas, c'est pas la version qu'on a. Moi, j'ai regardé sur VF. C'est bourré de références gay plutôt homophobes chelou, qui tombent à l'eau, qui sont même très dérangeantes. Ils sont tous les deux dans un jacuzzi, ils sont des insinuations entre eux, t'es là, c'est très bizarre, t'es hyper mal à l'aise pour eux, parce que ça se veut pas drôle, ça se veut juste bizarre dans leur relation, en fait. Il y a plein de... Ça ponctue le film à divers endroits où on a bugué avec ma pote. À chaque fois, on était... Mais ça, c'était pas là, en fait. Rendez mon film. C'est bizarre, un film que t'as vu des milliers de fois et d'un coup, c'est plus le même, en fait. Et ça change pas mal le sens du film. Qui détruit ton... Oui, voilà. Quand tu as regardé un film avec une version et tu te dis... Ouais, heureusement qu'elle est pas sortie, parce que je pense que ça n'a pas eu le même succès, en fait, du tout. Putain, c'est Food Irene qu'il faut le revoir. Ouais, celui-là, il était pas mal aussi. Ouais, j'adore, mais c'était improbable aussi, scénario. Comme tous leurs films, improbables. Ils sont tous improbables. Le plus probable, c'est Marié à tout prix, et pourtant... Ouais, et encore, ouais. Ouais. Tu t'appelles comment? Steve. Stephen Clark. Tu peux nous dire ce que tu vas chanter, Stephen Clark? C'est comme si la presse lui avait donné carte blanche et qu'il pouvait faire... Et les adolescents avaient été arrêtés après avoir mis le feu à SDF. Après la pub dans Vilaine Fille. Une tumeur de cette taille-là est vraiment dangereuse. Vous avez de la famille? Ouh, c'est une urgence. Salut, je m'appelle Chloé, j'habite à Virginia Beach et je suis très populaire dans mon lycée parce que je suis jolie. Oula, Gotka, c'est le jour le plus important de ma vie et t'es en train de le foutre en l'air. C'est moi qui fais tout le boulot. Hé, pervers, tu te crois malin à reluquer les petites lycéennes? Tu fais pas un geste et tu la boucles. Si vous voulez la voiture, prenez-la, mes parents m'ont pas acheté la bonne. Je sais, c'est vraiment tragique. Est-ce que tu viens de tuer Chloé? Oh, c'est trop bien. C'est excellent pour un début. Tu veux des suggestions? C'est qui tes prochaines victimes? Une sœur Kardashian? Les gens qui disent méga et géant? Les personnes qui disent stop là? Les gens qui portent des bijoux en strass? Qu'est-ce que tu regardes, papy? J'ai filmé toute la scène. Merci de pas avoir parlé pendant le film. Merci d'avoir éteint votre portable. Y'a pas de quoi. À quoi ça sert d'avoir une civilisation si les personnes qui la constituent ne voient aucun intérêt à être un minimum civilisé? Ouais, c'est bon, ça marche. Alors, je vais... C'est à mon tour. Oui, vas-y, vas-y, oui. Surpris, vas-y. Alors, je vais vous parler du Tortue Ninja des années 90. Ah. Un film nostalgique. Ouais, merci, Walid. De rien. Joli placement de produit. Ouais. Ouais. Attends, on met Amazon à toutes les sauces, on peut bien mettre autre chose, hein. Ouais, c'est vrai, on peut parler de moi. C'est vrai qu'on nous avait demandé d'être sponsorisé par Amazon. Mais grave. Disney Plus. Netflix. Bah, Netflix, c'est Raph, hein, qui sponsorise. Moi, j'en parle pas. On va pas sponsoriser. Shadows, là, moi. Ouais, Shadows, c'est pas mal. On va pas sponsoriser les cinéma. Ouais, ça y est, ils ont quand même des bons goûts. C'est vraiment, là, il y a pas longtemps, leur spécial coréen était chouette. Ils font vraiment des trucs cool. Hein. Ça a du bien de l'horreur pensée par des fans de films d'horreur. Quoi. C'est ça. Ouais. Et français. Ouais, français. Oui, c'est vrai que c'est français. Mm-hmm. Ouais, ils ont un bon catalogue. C'est juste dommage que toutes les applis soient pas connectées entre elles. Ouais. Parce que pour l'avoir sur la télé. Ouais, c'est pour ça que tu payes 10 balles à l'un, 10 balles à l'autre. Non, par contre, moi j'ai gardé que sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que pour avoir ordinateur, c'est un forfait que j'avais pris au départ. Ouais. Après, si tu veux la télé, tu te désabonnes de l'ordinateur, tu t'abonnes sur la box ou tu t'abonnes sur Amazon. C'est un peu chiant. Ils sont vraiment pas beaucoup. Ils sont que quelques-uns à bosser dessus. Ça fait pas longtemps qu'il y a l'appli en plus. Avant, il y avait que sur le site web. Ouais, bah c'est ça, avant j'étais que le site web. Ça va se développer, mais. Mais c'est un petit défaut technique, mais ouais. Sinon le catalogue il est terrible. C'est bien, hein, puis ça va faire que grandir. Et... On t'en prie, on a fait. Mais c'est pas grave, déjà c'est pas grave. Voilà, bah non, mais quitte à faire de la pub. Quitte à faire de la pub pour la VOD, merci, autant merci. Ceux pour la VOD. De rien, de rien. Allez, Olivier, à ton tour. Bah non, là c'est à Walid. En plus, cette fois, Walid a imprimé son texte, donc c'est propre. Merci. T'as mais plus d'excuses, si tu te loupes, c'est tant pis. Bégueille, sinon c'est moins drôle. Alors, je vais vous parler des Tortues Ninja 90. C'est un film doudou, parce que c'était un rêve de gosse, quoi. C'est le film que tu regardais, que tu voulais voir, quoi. C'était, voilà. Alors, je vais faire le résumé. Je t'en prie. Courage. Oui. Un gang de voleurs, connu sous le nom des Foot, sévisse au cœur de New York. Malgré le déni de la police, April, une journaliste dénonce leur crime via les informations du journal télévisé. Un soir, elle est reconnue par cette bande, ce membre de bande qui tente de l'agresser, mais elle sera sauvée par l'intervention de nous. Des personnages étranges qui viennent des égouts. Ce sont en fait des tortues radioactives adeptes de ninjutsu, mangeuses de pizza et accompagnées de leur maître Splinter, un rat. April et nos quatre tortues, Michelangelo, Raphaël, Leonardo, Donatello, vont apprendre à se connaître et mener l'enquête pour ramener l'ordre et la tranquillité à New York. Voilà. Court, simple, précis. On t'a pas dit le nom du méchant. Shredder. Voilà. Ouais. Que c'est un film de Steve Barron, connu plutôt par dans l'équipe. Et il a réalisé Pinocchio. Si vous vous rappelez, un Pinocchio tout pourri, là, vers... 95-96, ouais, ouais, oui, moi, j'ai entendu parler du Pinocchio en forme film d'horreur. Ah, non, c'est pas celui-là. J'en entendrai pas en forme film de cul, mais bon. Ouais, c'est pas son nez. Toujours, toujours. Pas son épée pousse. Bah, Julien a relevé la tête d'un coup. Et que c'est une production américaine ou congolaise. Ah, je sais pas pourquoi que les Américains. Je crois que c'est pour les cascadeurs. Oui, parce qu'ils ont dit que sinon ça risquait de faire cheap. Oui, du coup, ils ont dit bon, on va mettre des arts martiaux, tout ça, comme ça, ça nous coûtera moins cher. Mais les bastons sont sympas, quoi. Certaines bastons sont sympas. Bah ouais, et je crois que dans le costume, il y a celui qui joue leur sidekick dans le 2, le livreur de pizza. Oui, je sais pas dans quel personnage il joue. Mais... Je crois que c'est Leonardo, mais bon. Et les costumes sont de Jim Henson. Henson, oui. Les Muppets. Les Muppets. Mais que les costumes, ils n'ont pas vieilli, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'était ça. On a vu quelques défauts, quelques épées en mousse, des trucs comme ça, mais. Franchement... Quand tu vois le 3 après, le 1, tu dis c'est du bon niveau. Ah, le 3, bon il faisait mal aux yeux. On attendait tous Krang dans le 3, mais on a tous pleuré qu'on a vu que c'était un voyage dans le temps tout pourri. Ouais, oui. Un combat à la. Hercule, la série. Oh là là, c'était. Oh, on pleurait. Oh, moi, je me rappellerai toute ma vie. Touche pas à Hercule, la série. Ouais, mais. Touche pas à Hercule, la série avait des gros. Non, c'est... moi, je préférais Xena, tu vois, en série. Ouais. Qui est en lice pour jouer dans Mandalorian saison 3. Ouais, parce qu'ils ont viré. Remplacer l'autre, là. Ouais, j'aimais bien l'autre. J'aimais bien au niveau. Oui, mais moi, c'est vrai. Non, mais même, elle faisait du MMA. C'était elle qui. Non, mais dans son rôle, elle était bien. Mais bon, c'est machine. 90, c'est celui qu'on a vu, hein. Ouais. Ouais. Après, c'est pas celui de Michael celui Bay. Celui que Jojo aime bien aussi. Mmh. C'est celui où quand ils disent pizza, tout le monde sort des égouts. Mmh. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que j'aime bien, c'est le New York aussi crade. Mmh. Que ah, cette, New York cette ambiance. 90, ouais, ça, là, cette ambiance. Mmh. Puis les méchants, c'est des punks. Ouais. C'est des punks. Le clan du pied. Moi, je la regarde d'ailleurs en version française. Et qu'on est foot, le doublage québécois, le clan du pied. Ah, c'est une référence à Daredevil. Oui, je sais, mais bon. Vu que c'est Daredevil attaque. Les clans de la main, je crois c'est la main d'Ardeville. Et voilà, alors les auteurs ils ont dit ah bah tiens, on va faire le clé. Les clans du pied. Bah à la base, les Tortues Ninja, la BD c'est une parodie de Daredevil. Oui, de toute façon. Et, voilà. Et que Shredder meurt dans la première BD, hein, qu'il revient pas à chaque fois. Bah là, et oui. Ouais. Normalement, à la fin du film, il est moins bien quand même. Oui, il est moins bien, mais il revient dans le 2. Oui, bah oui. Le super Shredder. Ouais, enfin, le 2, faudra en parler aussi un jour. Oui, on en parlera. Comme Indiana Jones 4, faut en parler. Non. Il y a eu un 4 Je sais pas. Moi, je suis pas au courant. Ah, même un 5. Chut, ta gueule. Faut pas y avoir de 5, y a pas eu de 4. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Par contre, il y aura l'arme fatale 5 aussi bientôt. Ouf. Il va piquer celui-là. Non. Déjà, le 4, tu t'es. Oh, pour moi, il était limite. Moi, j'ai eu le 4. Le 4, il est drôle. Il y a plus rien d'action, mais il est drôle. Oui, voilà. Le 4 est bien. Non, le 3, moi, c'était. Ah, le 3, c'est j'aime pas. Moi, je. Voilà. Action, mon préféré, ça reste toujours. J'aime les 4. Ouais, c'est le 2. Enfin bon, après, chacun ses goûts. Pourquoi ils rebootent tout Ah, ils rebootent pas l'arme fatale 5. Ils ont plus d'idées. Attends, l'arme fatale, ils l'ont fait en série, c'était bien à chier aussi. C'était très très nul. Ils ont plus Attends qu'ils le fassent. Bah, c'est pas ça, c'est que c'est une licence forte. Ils vont dire, bah, les gens, les trentenaires, les quarantenaires, bah, c'est l'arme fatale. C'est ça, c'est que du bise. T'imagines, ils feront quoi dans 20 ans? Ils ont inventé aucun personnage là. Ils rebooteront les reboots. Ils rebooteront Harry Potter. Ils vont faire Bob l'éponge. Ah bah, ils ont fait, il y a pas longtemps. Les Marseillais à Miami. Je pense qu'ils peuvent faire un film. Les Marseillais, le film, c'est moi, oui. Alors ils reprennent des scénars de séries et puis ils en font des films aussi. Mais les séries, ils en ont pas inventé. Enfin, pas grand-chose. Bah, s'ils font comme Starsky Hutch, moi j'ai pas envie. Avec Ben Stiller. Ouais, c'est vrai que c'était un des meilleurs. J'ai pas beaucoup aimé Star Trek. Ah mais moi j'ai pleuré au cinéma. J'ai jamais réussi. Si l'agence touriste était. Bah oui, était sympa. C'était bien. Était sympa. Mais alors, généralement. Alors par contre, ils ont quand même perdu l'idée de la série où ils tuaient jamais personne. Hein, parce que putain, dans le film, ça déménage. Ouais. Bah là où ils pourraient se servir, c'est dans tous les quatrièmes dimensions de l'époque. Ça durait 20 minutes. Un film de quatrième dimension, tu fais. Et à chaque truc, il y a un scénar de ouf. Il y en a des tonnes d'épisodes. Mais bien sûr. T'avais du Matheson. Et en 20 minutes, ça te mettait une claque le truc en noir et blanc, sans effet spécial. Ouais, on pourrait faire pareil avec les Contes de la Crypte. Hein. Franchement. Mais ils ont refait. Il y a à faire. Ouais, je sais, mais j'ai pas trop aimé. J'ai pas regardé. Mais t'as des épisodes des Contes de la Crypte, tu les prends, tu peux les étirer un petit peu et avoir un film sympa. Bon, bah ça va être mon tour. Il avait conclu. C'est vu qu'on était parti sur le Conde de la Crypte. On avait digressé un peu, mais vas-y, c'était autre chose. Non, j'ai rien, c'est une comédie que. qu'on a poncé en VHS quand on était petit, qu'on cherchait. Ouais. Je me rappelle qu'on allait au Vidéo Club. Bon, elle était pas. On a attendu deux semaines. J'ai joué dans Ninja Vidéo Club. Je suis d'accord avec Walid. Et souvent, je jouais les trois d'un coup. Moi, je l'ai toujours en VHS, le 2 aussi. Je les ai achetés en Blu-ray, là, et avec la bonne VF. Pas la VF à chier, là, du DVD. Celle que j'ai en DVD. C'est dommage que l'édition métropolitaine, elle est jolie. Le menu est bien et tout, mais l'édition VF est nulle. Ou surtout avec la VF assez fruitée. Oui, oui. Avec salut, au revoir Pelé. Oui. Ah, j'ai ça, celle-là. Maintenant, pour un film pour enfants, tu l'as vu. Elle est quand même bien vulgaire, la VF à l'époque. Ouais. Voilà. Ouais, mais concrètement, il était marrant. Enfin, c'était mignon, quoi. Puis effectivement, enfin, les animatroniques. Ah, c'est pas des animatroniques. Hein. La tête est animatronique et t'as quelqu'un dans le costume. Sa donc, vie super propre. Fin... Ah oui, bah oui. Non, c'était cool. Nous, ça, je faisais que des films que j'aime bien. Ça, bah, c'est, bien. Bah, c'est des films de nous. Ouais. Une heure et demie, ça passe, on a vu ça. Ouais, ça passe tranquille. J'ai même Jojo, il l'a vu il y a deux ans, je crois. Juste le climax un peu pourri que Shredder se balance sur Splinter. Bah, voilà, il manque une petite bagarre. Non, mais il manque juste une petite bagarre. Je pense que faire un bon combat avec le servomoteur de 8 à 12 kilos sur la Ils ont réussi à faire des bons combats, ils ont fait des bonnes cascades. Quelques scènes, mais très peu quand même concises. Un saut périlleux, un coup, voilà. Mais un vrai combat long et chorégraphié, ça aurait été compliqué. C'était des. Juste, c'est ça qui manquait. Ouais. Bon, il s'en sort quand même pas mal. Non, il s'en sort bien, même par rapport aux versions animées qu'on bah a vu par Michael. Il y a le film, là, TVNT, qui était très sympa. En celui qui les... est sorti entre les films live et ceux de Michael Bay. Il y en a eu entre deux. Oui, c'est un film. Celui-là, il était même la bagarre entre Leonardo et Raphaël qu'on attendait. Elle était sympa sous la pluie, là. Celui-là était sympa. Il n'a pas marché, c'est dommage. Non, c'est parce qu'Imagine a fait faillite sur Astro Boy. Ah bah d'accord, c'est la faute Astro Boy. Ah merci Astro Boy. Mais c'est vrai que celui-là, j'en attendais pas grand-chose et quand je l'ai dit, putain, c'est quand même pas mal. Non, c'était sympa. Alors que là, les nouveaux avec les Tortues Ninja comme des catcheurs, putain. C'était... Moi, j'ai vu le 1, c'est passé. Bon, le 2, je lâchais. Il y avait Big Bang et Ross Lee, c'est juste ça qui était intéressant. Ouais, quand tu as Bebop et Rocksteady dedans, tu dis mais... C'est bien, Freddy. Dans la série, c'est débile aussi. Non, dans la série, ils sont vraiment bêtes, mais là, Freddy, c'est si froid. Ils sont même plus débiles que dans le 2 de 92. Un mec hyper chaud. Bah non, c'est pas Bebop et Ross Lee. Ils les appelaient comme ça quand même, mais c'était pas... C'était pas... Parce que ça aurait été aussi calor. Moi, dans le 2, ils m'ont dit... C'est oui, c'est que calor. Fin du 2, il monte quand même. Non, c'est même, c'est vers le milieu. Le mec est froid, quoi. Quand Shredder s'évade du camion pénitentiaire, il se téléporte et c'est Krang qui le chope. Tu vas mener mon armée, tu vas mourir dans ma famille. C'est pour ça qu'on a des fils de 3 qui avaient Krang. Il y en a. Ah non, dans le 2, là, de Michael Bay. Oui, dans le niveau 2. Tu as de la vingtaine? Non, pas alors là. Ah non, pas vraiment. Je l'ai fait avec ma nièce, mais ça n'a pas. Non, moi, je me suis fait. Il y a Arrow qui joue Casey Jones, mais bon, pour moi, c'est Arrow, donc ça marche pas. Oh, ça va, ça reste toujours. Oui, mais pour moi, c'est pas Casey Jones. Ouais. C'est pas. Comment il s'appelle l'acteur qui joue? Bah, c'est Elia Cotes. Oui, Eric Cotes. Voilà. Bah, c'était un bon cachet, Jones. Ouais. Tu savais pas trop se battre. En... Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, Casey Jones, il est pas censé savoir se battre. C'est un gros bourrin avec sa crosse de hockey. C'était par terre, ça? Ouais, bah, poubelle, ça. Non, mais je savais pas s'il était utilisé ou pas. Hmm oui. On a enregistré un podcast ici. Ouais, ok. Il croyait que je fais ma liste de courses. On devrait faire ça en direct. Si on enregistre sur Discord, on peut le faire en direct. Ça sert à rien. Je pense que ça peut être sympa de le faire en direct une fois. Voilà, j'ai plus rien à dire vu que ça a l'air pas intéressant. Ah si, Tortue Ninja, moi là je valide ça. Ouais, moi aussi je. Il n'y a que Julien qui valide pas, mais bon. Si, bah, pourquoi ouais, mais parce que t'as pas d'âme, putain, tu peux pas valider. De toute façon, bon, après, ouais, je peux rien dire. Mais Julien, il a fait son film, il s'en fout toujours, je fais de c'est, ça. Oh, c'est pour ça Julien. Qu'il veut passer en premier. Julien a raconté son truc. Ah ouais, s'il pouvait partir. Non, il part que quand il n'y a plus de bonbons. Non, je mange pas beaucoup de bonbons. Oh là là, vous résumez à quoi, franchement? Moi, il y en a plus. Il y aussi. Ah bon, pardon. Non, quand il n'y a plus de schtroumpf, spécialement. Julien aime bien ce qui est petit. Our family grows. The city itself will be our playground to use as we please. Rewarding ourselves and punishing our enemies. We've been looking for you, Miss O'Neill. There is a new enemy. Freaks of nature. Together, we will punish these creatures. What the heck was that? Looked like sort of a big turtle in a trench coat. Ah, turtle. Bon, allez, c'est ça bon, faisait 9, hein, c'est bon. Hein. On était à 9, non, mais là, je devrais pouvoir le voir sur la timeline. Bon, bah allez. Hein. C'est à moi pour la fin. Et ben moi, c'était Madame Doubtfire. Ah oui, c'est vrai. Il était temps qu'on parle d'un bon film avec Robin Williams, quand même. Quoi? Excuse-moi, est-ce qu'on a parlé de Jumanji encore ou pas? Non, c'est vrai. Voilà. Mais c'est parce que j'ai dit, il était temps de parler d'un bon film. Il est très bien, Flubber. Il est très mignon. Ouais, bah oui. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Non, Flubber m'a un peu longué. Donc, moi, je vais parler de Madame Doubtfire, donc avec Robin Williams, comme je disais tout à l'heure. Et donc, Robin Williams y incarne un comédien de doublage, un petit peu fantasque, on va dire. Et sa femme le supporte plus, il se sépare, et la meilleure solution qu'il trouve pour continuer de voir ses enfants, c'est de se travestir en vieille gouvernante anglaise, pour faire ce qu'il aurait dû faire avant de se faire jeter par sa femme, c'est-à-dire le ménage et la bouffe. Ah, il faut faire ça? Bah oui. Quel scandale. Ouais, c'est plus de valeur. Voilà, et du coup, bah, forcément, tout ça va enchaîner une suite de quiproquos, de... cherche un grand mot pour rivaliser avec cathartique, mais j'ai pas, là. Tant pis, c'est Raph qui aura le meilleur mot de la session. Et voilà, et donc dans tout ça, en plus, il doit avoir un vrai travail sous son vrai nom à côté, donc il va travailler dans un studio de cinéma, et bon, bah, en tant que gouvernante, il va voir son ex-femme se faire draguer par un ex-petit ami, et ça... Bon, ça va être compliqué à gérer pour lui. Et je spoil pas la fin. On a pas tout spoilé notre fin. Non, bah non, c'est pour ça, je m'arrête maintenant, sinon je vais... Mais c'est marrant, t'as pris un film doudou, t'as un couple qui se sépare. Ouais. Et moi j'ai pris un film doudou où il y a un couple qui se, enfin, un couple qui se forme. Bah voilà, ça équilibre. Voilà, ça équilibre. Hein. Voilà, c'est surtout la performance de Robin Williams dans ce film-là que je trouve assez exceptionnelle. Il arrive à te faire passer du rire aux larmes, à la... Il te fait passer sa détresse à certains moments, on comprend que... Mais comme dans Flubber. J'ai plus de mal à voir la finesse du jeu dans Flubber. Et encore que dans Flubber. Il est très mal parce qu'il a aussi des problèmes avec sa femme dans ce film-là. C'est lui qui porte le film sur ses épaules, Flubber. Sans lui, le film il tombe complètement à plat. Mais là, d'autres films. Il y a Pierce Brosnan pour. Pierce Brosnan. Ah oui, le séducteur. Il joue le séducteur. C'était ça que je cherchais là. Mais c'était David de Coverdale. En plus, il le joue bien, Pierce Brosnan, dans le truc. Et tu peux même pas en vouloir au personnage, à la fin, tu dis le mec, il drague, quoi, mais... Il se doute pas un seul instant. Ouais, mais en même temps, il dénigre jamais les gamins, il reste correct, quoi, donc... quand tu vois l'autre qui lui en veut, tu dis, c'est que de ta faute, quand même. Donc, voilà, puis non, c'est un film qui te fait à la fois ben, sourire, réfléchir un petit peu, puis... Comme a dit Jojo quand on l'a regardé avec lui, il a dit, c'est pas que drôle, hein. C'est vrai que tu... Ouais. Ouais. L'écriture, quoi. Il y a des moments où tu rigoles franchement bien, puis d'autres où tu dis c'est beaucoup plus touchant, c'est beau. Ouais, beaucoup mieux amené, ouais. Beaucoup plus attachant. Mmh. Ouais, attachant, non, mais vraiment touchant, ouais, même le Il est attachant, oui, je trouve. Ouais, quand tu vois le procès à la fin, t'as plein de trucs qui se dénouent dedans, tu comprends plein de choses, et tu dis, ouais, c'est... Pardon, boucheron. Voilà, ça reste... Parce qu'un mec, c'est un mec au fond qui est insupportable peut-être à vivre, oui, mais c'est sa nature quoi. Il est ouais, mais quand c'est même, rigolo. Pour garder ses enfants, il est prêt à tout, même à apprendre à faire la cuisine, à se travestir avec un costume qui doit peser 5-6 kilos facile, à faire tout ce qu'il peut pour garder ses gosses quoi. Mais c'est vrai que s'il avait fait des efforts avant, il n'en serait pas là. Le ménage, la cuisine. Surtout qu'après, il s'en sort en Peter Pan. Ah non, là, toi, tu t'es encore endormi, oui, avant la fin du film, tu t'es réveillé au début du deuxième. Ouais, c'est ça, je comprends pas, là, qu'est-ce qu'il fout là. Mais pourquoi c'est Peter Pan d'un coup? Le mec, à chaque fois, il se rend du mal avec ses gamins, en tous ses films, tu sais. Ah non, Jumanji aussi, il est maltraité, t'as raison. Ouais. Bah non, Flubber, il a pas d'enfant. Il en a du mal avec ses gamins. Dans Flubber, il a des robots. Il a appelé sa fille Zelda. C'est un geek, hein. Ouais. Dans Flubber, il a des robots, il y en a un qui se fait défoncer à coups de batte de baseball. Mais c'est vrai. Voilà. C'est violent. Et dans le sort des poids disparus, il y en a un qui se suicide. Ouais. Ouais. Cool. C'est moins doudou, ça. Hein. C'est trop doudou. Ouais. C'est moins doudou, le sort des poids disparus. C'est un bon film. C'est le gothique de la Moi, j'ai choisi Requiem for a Dream comme film doudou. Je l'ai tous les soirs avant de même coucher. Philadelphia. Tous les trucs bien trash. Ouais, Philadelphia, c'est pas trash. Requiem for a Dream, c'est vraiment trash. Philadelphia, c'est triste. Ce film, je peux plus voir. Moi non plus. Je crois que c'était le film qui passait là pour la drogue là au collège. Ouais, bah ça, tu m'étonnes, ça calme. J'avoue, c'est un film de prévention en fait. Requiem for a Dream, tu le vois une fois, oh c'était bien, tu le revois. Non, laisse-moi. Non, une fois ça va. Je le ressens pas. Ouais, j'avoue. C'est pas un film doudou, c'est l'anti-film doudou. Il te hante ce truc après. La musique, c'est La musique, elle Ah, par contre, la musique, tu la réécoutes facilement. Enfin, facilement, tu la réécoutes quoi. Bon bah voilà, donc personne n'a rien à dire sur Madame Doubtfire, je suis seul à avoir. Bah c'est bien quoi. Non, je pense que c'est bien, c'est vrai que des films qui plaisent. Bah c'est Doudou, c'est Doudou, c'est vrai qu'il n'y a pas... Si vous voulez qu'on s'engueule, la prochaine fois on fait plaisir coupable. His marriage is ending. My marriage is not ending, just on hiatus. To put his family back together, Daniel Hillard needed a job. Do you have any special skills? I do voices. Yeah! Nancy and I are still looking for the other half of my head. Look at me right now, Moneypenny. Want to undo that bow and get to know you. Mr. Hillard, do you consider yourself humorous? I used to. And a decent home for his kids. How do you like it? Can't you just tell Mom you're sorry? But he found a way. I'm placing an ad for a housekeeper. Housekeeper? Could you make me a woman? To have both. Wow. Let's pray. Hello? Euphigenia Doubtfire. Papa's got a brand new bag. He's still the same old dad. Only better. Dinner is served, madam. Wow. I'd love to get reacquainted. Can't you see the lust in that man's eyes? Accent's a little kind of muddled there. Really? Well, so's your tan. The terrorists, they ran that way. It was a run by fruiting. This holiday season. Surprise. Robin Williams. Sally Field. Who needs a husband when I've got you? In a Chris Columbus film. Back off! Mrs. Doubtfire. Got it, Tommy. A father's work. Is never done. Oh, first he is a woman. I'm getting hot flashes. Tu nous rebalances un Romain Duris bon, là, tu vas bah tiens, regarde, Beowulf, moi ça me fait marrer. Mais c'est vraiment coupable parce que c'est à chier. Oh, rien. Ouais. Avec Lambert. Hein. Non, j'ai une reco, on fait les menus plus... les menus. Ah, on déjà bouffé. Les films interdits aux moins de 16. Pas 18, bah, moins de 16. Je précise. Il y a des films moins de 16 qui sont maintenant moins de 12. Est-ce qu'on prend le moins de 16 Amazon? Parce que Amazon... Non, moins de 16 tout court. Non, c'est moins de 18. Amazon, c'est n'importe quoi. Le livre de la jungle, c'est interdit au moins de 12 ans. Non, mais sérieux, parce qu'il y en a qui se clapent dedans. C'est un truc international, parce que nous, en France, on est plus... Non, moins de 16, officiellement... C'est le truc américain. Ce film, il passait moins de 16. Ouais, mais il serait plus en moins de 12. C'est impossible de trouver un film. Voir les films censurés. S'il y en a... Non, il n'y en a pas assez. Alors par contre, on va finir là avant de refaire le choix du prochain podcast. Ouais, on va voir plus tard. Oui, voilà. Donc oui, on est sur Madame Doubtfire. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire À part, effectivement, c'est un bon film. C'est un bon film. Il se regarde en famille. C'est un très bon film. Ouais, je m'en souviens très bien. Je l'ai vu quand j'étais en vacances au bord de la mer. Quand j'étais petit, je pense que c'est un des... Je sais pas quel âge j'avais quand il est sorti. 93. J'ai l'impression que c'est un des premiers. Ouais, ça va être un des premiers films que j'ai vu. Hein. C'est pas le premier, mais ça va être un des premiers. Je m'en souviens. Je m'en souviens comme un événement. Donc je pense que c'est une époque où on n'allait pas beaucoup au cinéma. Enfin, parce que je me souviens très bien l'avoir vu au cinéma. C'est que... Oui, je l'ai vu au cinéma. C'était aussi un événement d'aller au cinéma. Ouais, ouais. Donc, c'est sorti vers la rentrée scolaire, je crois, septembre ou octobre. Moi, j'ai vu, c'est où que... À 12h12. Ouais, où que... Je crois que c'était un peu aussi. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Moi, c'est l'ours que j'ai vu la première fois. C'est le premier film. Vous avez 62 cinéma. L'ours. Mais j'étais vraiment moi, j'avais 6 ans. Bah oui, c'est vrai. Oh la classe. L'ours de Jean-Jacques Hano, quoi. Et ça m'a fait trop peur. Mais moi, j'ai cherché. Et attends, mon père, il m'a interviewé à la fin du truc. Il dit alors, tu peux me raconter le film? À 6 ans, la maman, elle est morte. J'étais mais effondrée, quoi. Il est repassé la dernière fois, je l'ai regardé le début. Ah non, moi, je suis pleurée, la mère, elle meurt. D'un coup, ma petite... L'horreur. C'est Ah, c'est le premier film que t'as vu aussi. Tu sais que je l'ai encaissé en VHS. J'ai fait un film de Doudou SOS Fantôme, mais là, c'était trop facile. Je sais que j'avais chié de ouf. Je l'ai en VHS, c'est la seule que j'ai en VHS. Bon, bah bien. Est-ce que quelqu'un a des recos de films à faire? Alors pas forcément Doudou, mais un truc que vous avez vu récemment, film, série qui vous a plu. Je vous parle pas de sortie. Les années 86. Non, mais moi je peux parler de TMNT, que le film en 3D là, des Tortues Ninja, qui est sympa. Ouais. Bien sûr. Je reste un peu dans ta thématique tortue. Voilà. Mais Louise? Non, rien de particulier. Bah, à part tout ce qui est Disney, peut-être, oui, bon, à la limite. Ouais, c'est vague. Ouais, voilà. Tout ce qui est Disney, maintenant préféré. Disney, tu sais que ça va de Die Hard à Bambi, quand même. Ah, c'est des animations. Ah, animations, bon, ça va. Ouais. Moi, j'ai des recos, pas forcément doudou. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais pas forcément film non plus. Un truc que vous avez vu récemment. Mais voilà, comme justement, on sort plus et qu'on a Amazon et compagnie pour se divertir. J'ai découvert le jeu de la dame que j'ai adoré. Vraiment, superbe série autour du jeu d'échecs, magnifique, bien joué, esthétique, etc. Et qui en plus en one shot puisqu'il y a qu'une saison avec 6 épisodes, donc c'est parfait. Et j'ai La Servante Écarlate aussi, qui n'est pas du tout doudou, mais pareil, je le recommande si vous l'avez pas encore commencé. Je crois que c'est sorti en 2010. La Servante Écarlate. Ah oui, ça c'est un moment que je l'ai de côté celui-là pour le. Là, il y a 3 saisons. Ça n'a pas trop feel good non plus. Hein. Non, c'est pas feel good du tout. Mais voilà, ouais. c'est les trucs du moment. Pas forcément doudou. Ok. Il y a un truc qui est pas mal que j'ai oublié. Mon voisin Totoro. Ah oui, c'est bien, Mon voisin Totoro. Mmh. Il est excellent. Enfin, quel que soit l'âge, même les musiques, elles passent super bien. J'ai vu, c'est marrant, ça, je l'aime bien, mais c'est le plus connu de tout, je sais pas, moi c'est pas mon préféré. Moi mon préféré c'est Nausicaa, ça reste toujours le premier. Moi c'est Chihiro. Parkour Rosso que j'aime bien aussi, c'est... Ah, j'ai pas vu celui-là. Ouais, c'est super. Ah, forcément, un cochon qui va dans les... J'attendais tellement de les voir, et depuis qu'ils sont sur Netflix, j'en ai pas regardé un seul, je sais pas pourquoi. Faut les regarder. Ouais, juste faut que j'en profite, mais... Ah, moi c'est Chihiro, je trouve. Tellement de créatures, le monde est... Ah, Miyazaki. Dans, ouais, Miyazaki. Moi j'ai maté plein de séries ces derniers temps. Je suis plus dans la phase série. J'ai enfin commencé Stranger Things, c'est trop bien. Je sais pas si vous êtes mis. Non, pas du tout. J'ai regardé moi, mais. En fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce qu'on m'avait dit, il y a les gamins, c'est très années 80, machin. Je me dis, ouais, ok, bon, c'est un peu familial, mais en fait, c'est carrément une série d'horreur. Ah non, c'est pas une série familiale. Ça fait carrément flipper grave. C'est hyper inspiré. En fait, je trouve que c'est entre X-Files et Silent Hill, quoi. Ah putain, ok. Mais c'est tu sais que t'as dit entre X-Files et les Goonies, mais ouais, ça y rentre. C'est vraiment ce genre de. Il y a un monde parallèle peuplé de créatures horribles et tout, mais c'est hyper flippant. Je pense que c'est assez inspiré esthétiquement. Et t'as ce côté enquête dans la vieille ville, la vieille Amérique, un peu lente, tu sais, à la X-Files justement, où on prend le temps de poser le flic, le machin, et c'est hyper bien. Franchement, j'ai maté 3 saisons d'un coup, c'est. Je pensais pas que ce serait aussi bien, quoi. Non, ouais, je pensais souvent c'est un peu survendu quand on parle d'une série. Ouais, moi j'avais peur que ce soit un peu survendu. C'est hyper bien, quoi. Super bien écrit, ça te tient en haleine. Tu mates les épisodes, tu t'arrêtes jamais, quoi. C'est vraiment très très bien. Ah, j'ai un truc marrant aussi, il y a qu'une saison, c'est... Je sais pas si c'est japonais ou... Bon, c'est asiatique, je vais pas me risquer. Alice in Borderland. C'est sorti sur Netflix. Pour l'instant, en tout cas, la référence avec Alice au Pays des Merveilles et se tient... C'est l'adaptation d'un manga, ça. C'est l'adaptation d'un manga. Se tient au fait qu'il y a des cartes, quoi, mais bon, c'est un peu léger. Et c'est mal, c'est des mecs qui sont... Non, mais c'est japonais, c'est à la base, c'est passé à Tokyo. 3 mecs qui, d'un coup, c'est con, ils vont pisser. Et ils sortent, et il n'y a plus personne, quoi. Donc ils croient qu'America est chez truc classique, mais en fait, ils sont dans une réalité parallèle, je sais pas comment ils sont là. Et c'est une sorte de Hunger Games, non, ouais, un peu Battle Royale, croisé avec Saw, c'est assez pervers, c'est tout, en fait, ils doivent participer à des jeux pour gagner des jours de sursis avant de devoir reparticiper à d'autres jeux, et forcément, les jeux sont assez inventifs, hyper meurtri, hyper sadique, et c'est assez cool, c'est pas mal. Tu sors Netflix ? Ouais, ça te défoule bien. T'as besoin de te défouler en ce moment, toi ? Ouais, comme tout le monde, hein, je m'emmerde, je suis un peu saoulé de la situation, donc ouais. Ça, c'est assez cool, et là, ouais, je disais, d'ailleurs, j'ai commencé Snowpiercer. Moi, j'avais pas lu la BD, j'avais vu le film, ça m'avait... Je l'avais trouvé l'idée marrante, mais ça avait pas marqué plus que ça, mais là, le série est bien. Très bien. Côté dystopie, lutte des classes, machin, ça. Mm. Ouais, lutte des classes, elle est visible assez vite, ouais. Ouais. Je l'avais fait en film de neige, je crois. Ouais, on l'avait fait. On peut pas développer en 2 heures de film comme une série. Non, mais non, c'est pour ça, du coup, là, c'est d'autant plus intéressant. Tu vois plein de personnages, tu vois un peu comment ça se passe dans les différents wagons, c'est plutôt. Ça se met très bien. Ouais. C'est avec, justement, c'est avec Jennifer Connelly de Requiem for a Dream. Je trouve qu'on va parler. Okay, c'est un peu dur, du coup, de la différencier de ce rôle quand tu l'as vu ado, ça t'a bien marqué. C'est très bien comment. Tout ce qu'elle a fait dans ce film. C'est dur de la voir, elle est vraiment attachée à ce rôle. Hein. Mais là, elle est bien. Mais d'ailleurs, elle joue le rôle un peu de meuf hyper sadique et tout. Et... C'est pas mal. Je recommande Snowpiercer. Bien. Ok, alors on prend bonne note. Julien, t'as quelque chose à recommander, toi ou... Je suis sur une série en ce moment, Your Honor. Ah, d'accord, oui. Ouais. Avec, énorme. Ah oui, oui. Énorme série. Ça a l'air très très bien, ça. Énorme série. Ça va être très vite torché, cette première saison. Tu parles de quoi? C'est l'histoire d'un juge, en fait, et son fils, un jour, en prenant la voiture, il écrase un motard, il le tue, et il fait un délit de fuite. Ouais. Sauf que le motard, c'est le fils du chef de la pègre de la Nouvelle-Orléans. Oh, okay. Donc en fait, le juge, il fait tout pour cacher toutes les preuves et tout, et c'est... Ça a l'air super. Et franchement, c'est tellement sur, bien. Ben là, c'est sur Canal+, c'était sur Canal+, ça s'est fini, bon... Je suis tombé malencontreusement dessus sur mon PC. Rappelle-moi le juge, c'est qui déjà? Toi aussi, le t'as des cousins américains. Brian Cranston. Voilà, celui qui, de Breaking Bad. Breaking Bad, Brian Cranston. Non, le papa de Malcolm. Malcolm. Ouais, moi, ce serait quand même toujours Malcolm avant Breaking Bad. Ouais, c'est très loin. Mais non, franchement, là il fait ça trop bien. Ok, il y a lui dedans, c'est intéressant. C'est lui le juge. C'est lui le personnage principal. C'est énorme. Dès le premier épisode, j'étais... Ah bah oui, ça a l'air... Ouais, je t'en avais parlé. Ouais, j'ai vu la bande. J'ai pas regardé. Walid, on tourne pas en ce moment, même genre de série, en ce moment. Ça dure une bonne heure chaque épisode. C'est pas 40 minutes, tu vois. Le Prince de Bel-Air. Il y a qu'une saison, pour le moment. Ah oui, bah, t'as le temps, Prince de Bel-Air, putain, il y en a. On reste dans les années 90 et 90. Ouais, bah c'est vrai que là, sur Prime, ils ont mis plein de séries complètes. Ouais. Je me suis refait tous les The Shield. Il y a Charm aussi. Ah, The Shield, hyper mal. Et lui, il a pas aimé, mais moi, j'ai kiffé. Ah, j'ai commencé à très mal dormir au fur et à mesure parce que ça commence comme hyper trash. J'ai beaucoup plus trash. C'est le plus grand. C'est super. Mais elle est incroyable. Hein, je l'ai commencé. Moi, je l'ai commencé sur France 3 quand il passait à 22h. Ouais. Mais là, je pouvais pas suivre parce que je bossais. Mais... Ouais. Et là, je me suis bivouaché. Ça a l'air un peu hard quand même. C'est hard et c'est. C'est HBO, je crois. C'est HBO, c'est fixe. Ça doit être un truc de. C'est fixe. Mais là, là. De quoi? Quel résumé? C'est pas HBO. Je crois pas que c'est HBO. Non, c'est pas HBO. Quel numéro? Non, c'est pas HBO. C'est fixe, mais c'est bien produit. Franchement, j'adore. Ah oui, c'est bien intéressant la façon dont c'est filmé. C'est filmé comme si c'était un peu un document. C'est en caméra. Mais c'est les premiers, je crois. C'est bourré de flou, bourré de. Ouais. On dirait que c'est pris sur le vif. Ouais, c'est exactement. Voilà, c'est pris sur le vif. Et il n'y a pas le côté chiant du genre faux documentaire et tout. C'est pas tout blanc, il n'y a pas tout ça. Personne ne s'adresse à la caméra. Mais ça marche bien. C'est dynamique, ça fait. Ça a hyper inspiré. Ça tue. Putain, ouais, ça tue pas tant que ça. C'est bien. Ça traîne un chat. Après, ouais, c'est une police anti-gang. C'est hyper violent. C'est hyper violent. C'est sur ma liste, ça. C'est très très bien. Allez sur Amazon. Je l'arrive. Arrête de taper ton truc sur la table, toi. Elle est vraiment bien. Ça dit, c'est ma pire. Je crois que la pire série qui m'a vraiment empêché de dormir, c'était Oz. J'ai tout binge-watché. Le Oz, franchement, j'ai dormi pire, ouais. Ouais, je l'ai pas vu en entier, j'ai juste vu des épisodes, mais ouais, ça, moi aussi, ça sur plombe, M6, hein. ça Moi aussi, j'avais découvert sur M6 à l'époque, c'était carrément moins de saisons, et ça l'est mérité, ça le mérite toujours, parce que c'est vraiment hyper violent, sur un milieu carcéral, c'est sordide, c'est glauque. C'est un truc de ouf. J'ai regardé, deux, trois épisodes, tu te sens mal à l'aise, c'est ouais, non, mais c'est hyper dérangeant, ouais. Mais c'est pas intéressant, quoi. C'est bien joué aussi, là, son personnage, sont des chiens, quoi. Les prisonniers. Ouais. C'est autre chose que Orange is the New Black. J'ai pas vu. J'ai réussi la saison 1, je me suis fait chier, j'ai pas trop compris le buzz autour, mais. Bon, je suis peut-être pas assez insisté, je sais pas, mais. Je me suis dit, ouais, c'est. Bon. Chiant. Très chiant. Bah, moi, je vais recommander. Et toi, t'as un recours, oui. Ouais, j'ai quelques petits recours, moi, du coup, avec Amazon, j'ai pu regarder Les Apes et Léonard, la série des Apes et Léonard, et c'est très très bien aussi, ça. C'est des bons polars qui se passent dans les années 90, fin 80, début 90. C'est deux losers, de gros gros losers. Et qui se retrouvent toujours emmenés dans un truc qui est plus grand qu'eux, et ouais, bah, ils s'en sortent toujours limite. Mais ouais, c'est recommandé. C'est des très bons livres, c'est une très bonne série. Comment ça s'appelle? App et Léonard. App et Léonard. Ouais, c'est sur Amazon. Okay. Et je crois pas que ça soit sorti sur autre chose. Après, j'ai aussi vu Good Omens, là, ces derniers temps. De bons présages, adapté de Terry Pratchett. Et pareil, c'est sur Amazon. Je crois que c'est une exclusivité Amazon, par contre, celle-là, et ça aussi, c'est très bien. Un ange et le diable qui veulent empêcher l'apocalypse. Un démon, pardon. Avec le deuxième docteur. Avec le docteur Who. Ouais, ouais. Le deuxième docteur, David Tennant. Voilà, avec le David meilleur Tennant. Docteur pour moi. Je sais pas, j'ai jamais trop regardé Docteur Who. Bon, en tout cas, la série-là, elle est terrible. Elle est très très drôle. On retrouve tout l'humour de Terry Pratchett, tout le côté caustique un petit peu du truc. C'est vraiment bien. Et sinon, en dernier, j'ai découvert récemment un petit film avec Nicolas Cage. J'en parle pas mal en ce moment. C'était Willy's Wonderland. Et c'est très très bien. C'est très très con, mais putain. C'est sur quoi? C'est sur. Ah, c'est sur rien du tout. Ah. Faut que t'aies un cousin américain qui puisse te l'envoyer. Ah, ok. Et même en France, il est pas prévu dans les catalogues pour le moment. Il sort un peu partout en Blu-ray, sauf chez nous et en Chine. Oui, c'est bon. Les éditeurs, ils vont prendre Nicolas Cage. Ah, mais j'ai un cousin américain. Ah, oui, toi aussi, t'as un cousin américain. Ouais, j'ai un cousin américain. C'est comme le jeu, là, que t'as fait, le premier jeu, là. Ouais, c'est comme Five Nights at Freddy's. C'est le principe de Five Nights at Freddy's. Le mec se retrouve enfermé dans un resto, on lui dit fais le ménage et demain on te répare ta bagnole. Sauf que dans le resto, il y a des animatroniques, il y en a 8. Et c'est des psychopathes. Sérieux, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. T'as des psychopathes. Ah non, non, parce que dans le jeu, les animatroniques qui veulent te tuer, c'est des enfants qui ont été assassinés et qui croient reconnaître leur bourreau et du coup ils veulent te tuer. Là non, les animatroniques, c'est des psychopathes qui sont suicidés et réincarnés dans les animatroniques. Ça a l'air pas mal. Et t'as Nicolas Cage qui les défonce. Voilà, en gros t'as. C'est à moitié zombie, moitié. Mais là, joue vraiment n'importe quoi. Et là, attention, parce que là, c'est lui qui a produit, donc il a fait le rôle pour lui. Et bah là, il te défonce les 8 rues, à aucun moment, lui, il est en danger. À un moment dans le film, il te bat en 6 jeunes dedans. Cigale, alors. Les 6 jeunes, ils font un quart d'heure. Par contre, Nicolas Cage, il fait tout le film, il défonce les machins, il les termine en fatality. Et de tout le film, il ne dit pas un putain de mot. Les mecs lui parlent et tout, il les regarde, il part faire autre chose, il fait le ménage et tout. Il ne dit pas un mot, il passe pour un autiste tout le long du film. Il y a un côté très... tu te demandes si Nicolas Cage est un génie ou un gros feignant quand tu regardes le film. C'est un génie. Un génie, faut pas déconner. Si parce que pour moi, c'est soit un génie, soit un feignant. Parce qu'il te le joue tellement sans émotion, sans un mot. Tu dis, mais le seul moment où il a des émotions dans le film, c'est quand il boit son energy drink. Tous les quarts d'heure, t'as un plan de Nicolas Cage boit sa boisson et joue au flipper. Enfin, fait l'amour avec son flipper, même pour être plus précis. Voilà. Mais ça vaut le coup. Je me suis poilé avec ce film. Moi, je le recommande. C'est de moins en moins vendeur. Plus t'en parles, ouais, moins c'est vendeur. J'avoue, t'aurais dû rester au début. Il dure une heure et demie, c'est ça ? Il dure une heure et demie. Ouais. Et la direction artistique est plutôt pas mal. Du coup, les animatroniques sont juste ce qu'il faut entre le creepy et le presque mignon. Il y a 2-3 chansons dedans. Les chansons sont très bien écrites. C'est assez drôle. Ça vaut le coup d'œil. Mais c'est un peu déviant. C'est pas du gros film. Faut mieux se détendre. C'est du bon biscuitage. Voilà. Merci. Bah, si plus personne n'a rien à dire. Si, pour revenir à un film, est-ce que quelqu'un a eu le temps d'aller voir Adieu les cons? Parce que je suis curieuse. Non, ça m'aurait bien tenté. Bah, nous, ça nous aurait tenté, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu. Nous, on m'a posé depuis des années. Est-ce qu'il est seulement sorti Oui, il est sorti, mais deux semaines. Il est toujours à l'affiche, en fait. Normalement, quand il est toujours numéro, il sera toujours à l'affiche. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, Albert Dupontel, qui l'a réalisé. Réalisé, joué, produit, ouais. Non, pas produit. Pas produit, non, il a réalisé. C'est déjà pas mal. Hein. C'est film qui a gagné les Césars. Ouais, ouais, il en aura fait 7 ou 8. Ouais. Ah ouais. Pour le scénario, film, pour l'actrice. Le seul film qu'on a pu voir. Hitman 4. Hitman 4. Ouais. Non, tu l'as vu, sans moi. Hitman 4. Espèce de traître. Ouais. Non, le seul du coup qu'on a vu ensemble entre les confinements, c'était Akira, qui est ressorti. Ah ouais, 4-4. Bon, Akira, ça vaut le coup. Ah, ça vaut le coup. Ah, je l'avais dit. Ah non, Héloïse n'a pas aimé. J'ai un peu piqué du nez. Ah bon, ça arrive. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu hard, c'est vrai que. Bah, surtout que c'est vraiment un univers qui me. Post-apo. Ouais, c'est tout ce que j'aime pas. Faudrait que tu regardes Le Tombeau des Lucioles. Ça te parlerait peut-être plus. Ouais, il est très triste aussi. C'est la même thématique, mais ouais, c'est sous un autre angle. Ouais. Un peu comme Noël de Greg Araki. Oui, c'est comme Noël, si tu veux encore parler de Greg Araki, si ça te fait plaisir. J'avais envie de me faire fouetter. Bah, tu vois ça avec Julien. Bon, et donc, pour le prochain thème, on va faire ça démocratiquement et enregistrer, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais deux idées. Vas-y. Non, mais on n'aime pas. Donc, j'avais... non. J'avais du coup, à l'inverse du film Doudou, le film interdit aux moins de 16. Ça peut être un film de nous. Minimum. Ah oui, ça peut être un film de nous. J'en parlais tout à l'heure. Non, j'ai dit moins de 16, pas moins de 18. Brendette, c'est un film doudou. Bon. Et sinon, j'avais aussi le dernier film qu'on a vu et qu'on a loué dans un vidéoclub. Voilà, mais là... faut qu'on s'en souvienne. Moi, je m'en souviens. Disney ou un truc comme ça. Ou Junior le Terrible, un truc que j'avais... Putain, le dernier film que j'ai pu louer en vidéoclub. C'était un Statham. Moi, c'était un Statham. Un Statham en VHS. En DVD. Ah ouais, t'avais encore des ah oui, un DVD, oui. Je me souviens, c'était le vaisseau fantôme. Je m'en souviens. Le vaisseau fantôme, le truc sur le bateau, là. Ouais. C'était nul. Ah ouais. Ah bon, le dernier, c'était la maison hantée, c'est 999 fantômes, tiens. Bien, moi, je vais proposer... Non, mais c'est nul. Film adapté de série. Ouais, ça peut être rigolo. Ah oui. Quelqu'un a autre chose à proposer, tant qu'on y est. T'as une idée comme ça, là, de film adapté de... L'agence touristique. L'agence touristique, ouais, Miami Vice. C'est ce qu'on a cité tellement, là. Miami Vice. Ah, Miami Vice, ouais. On a pas fait animation aussi, film d'animation. J'avais fait moi. Ah oui, aussi. Chérie, fais-moi peur, ouais. Il est bien le film en plus. Oh, moi, ça me fait rire à chaque fois, c'est con. Film d'animation, on pourrait faire. Les biopics, on a pas fait. Un réalisateur, ouais. Une œuvre entière. Rien, ouais, choisir un réalisateur, mais se mettre d'accord sur un réalisateur, ça va être compliqué. Hein. Chris Columbus. Non, ou chacun se présente. Ouais, Chris Columbus, on a déjà fait toute sa filmo. Chacun présente un réalisateur. Moi, je vais prendre Greg Araki, toi, tu prends Scorsese, toi, tu prends. Ça va être un truc. Ed Wood, tu prends. Un biopic ou une histoire vraie. Une histoire vraie. Biopic ou histoire vraie. Biopic ou histoire vraie. Ah, ça ah peut ouais, être histoire vraie. Comme ouais, ça, c'est une histoire d'un chien. La sacre à tronçonneuse, c'est une histoire vraie. Tu l'as déjà vu, là. Minecraft, c'est pas une histoire vraie. Minecraft, c'est une histoire vraie. Oui, biopic ou une histoire vraie. En 3D. 3D, 4K. Minecraft, c'est une movie. Ah, Minecraft, t'as pas l'accent allemand, Raph. Science-fiction. Ah non, science-fiction, on est dingue. Moi, c'est un vrai, ce serait presque, je pense, genre Midnight Express ou. Bah, avec biopic, histoire vraie, horreur, tu peux. Hein. Ah, bah oui. Ah, tu m'étonnes. Qui est. Bon, bah, biopic, histoire vraie, ça branche qui. Ouais, histoire vraie, ouais. Histoire vraie. Bah, biopic ou histoire vraie, enfin, le même. C'est le même. Basé sur histoire vraie. La colline des yeux, c'est bien basé sur histoire vraie, ça rit-tu. C'est bien pareil, biopic et histoire vraie. Super. C'est pas le biopic, ça parle d'un personnage. C'est Moïse, Superman. D'une personne en particulier. Alors qu'une histoire vraie, ça va être tout un. Ah, bah, Justice League, moi j'attends la version. C'est pas le même. Non, c'est pour ça, ouais. Genre Red Charles, c'est un biopic. Midnight Express, c'est une histoire vraie. Bon, bah alors, on se retrouve sur histoire vraie, fin mars. Histoire vraie. Inspiré d'une histoire vraie ou d'un. Sur toutes les plateformes. Mais okay, bon, il faut payer. Enfin, payer. Bon, j'ai pas d'idée là, mais ça, ça va sortir un Greg Araki. C'est sur histoire vraie des trois enfants qui se sont fait violer dans une ruelle à Los Angeles. Gabriel sans le biscuit. Il est revenu, c'est l'histoire vraie. Biopic ou histoire vraie? Non, histoire vraie du coup. Inspiré de Ferrell. Ouais. Ça tombe bien d'ailleurs, le podcast inspiré de Ferrell, ils font plus rien, c'est l'occasion. Alors là, je sais pas. Faut que je regarde, je sais pas. Non, mais de toute façon, on choisira, on les dira au fur et à mesure. C'est HHH. Ça, c'est un livre. C'est une série que j'aime, ça. C'est un film. Non, HHH. Il y a eu un film, HHH. HHHH. Ouais, 4H. 4HHH. Oui, il y a 4H. Bon, et il y a eu un film, ça. On parle de la même chose. Oui. Sur Himmler. Alors, c'est pas Himmler. C'est lequel? C'est sur la nazie qui a inventé la solution finale. Oui, c'est ça. Mais c'était pas Himmler. Je crois que c'était Himmler. Mengele? Non, c'est pas Mengele. Non, c'est le deuxième H. C'est, c'est lui qui était à la tête des commandos. De Téhéran, là, dans l'Est, à l'Europe de l'Est. Ouais, enfin, voilà. Bon. Ah, on a le poltergeist qui est réveillé. Non, c'est Flubber. C'est Flubber. Flubber qui gigote là-bas. bon bah du coup, on se dit au revoir, à la prochaine. Salut. Allez, tchuss. À la prochaine. Salut les copains.